Stephen King aime les traquenards, Stephen King aime les nards de sang, Stephen King a écrit Histoire de Lissy et Pablo Larraín l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah froidement, mais ça va. Ouais, oh, dans ton bureau il fait bon je trouve. Oui, mais quand même. Oui. Le fait de savoir qu'il fait froid dehors, psychologiquement ça joue. Ouais, oui. Tu ne fais pas partie de ces gens-là qui, quand ils regardent genre un film, tu sais, qui voient une scène qui se passe en plein hiver et que les personnages ont froid, ressent un peu de froid, parce que moi j'en fais partie. Ah non, pas tellement, moi j'ai aucune compassion. C'est vrai que tu es plus proche du robot finalement que de l'être humain. C'est ça, c'est ça. C'est... Pourquoi avoir de la compassion pour les gens, franchement, je vous le demande. Surtout quand ils n'existent pas. En plus. Donc, aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un roman dont nous n'avions pas encore parlé, puisqu'il n'y a eu qu'une adaptation à ce jour de ce roman. C'est Histoire de Lissy, qui est un assez gros roman qui dépasse ses 700 pages en version poche. Mmh. Et de son adaptation qui est sous forme d'une série télé en 8 épisodes d'une cinquantaine de minutes sur Apple TV. La série télé est diffusée en 2021. Nous allons donc spoiler le roman et la série. Il y a des différences entre les deux, mais l'intrigue globale est quand même relativement similaire. On va dire ça comme ça. Les différences sont plutôt mineures au final. Ouais, il y en a une ou deux un peu plus importantes, mais ouais. Et je propose qu'on y aille tout de suite. Eh ben, allons-y. Le roman nous raconte l'histoire de Lisa Landon, née Lisa Debusschere, dont le mari Scott Landon était un auteur à succès, mort maintenant depuis environ 2 ans. Sauf que Lissy, comme elle est surnommée, commence tout juste à faire le travail de deuil et à fouiller l'atelier de son mari pour faire le tri, pour passer à autre chose. Et d'une part, ça fait remonter beaucoup de souvenirs d'un mari qui était tout de même quelqu'un de très étrange, avec beaucoup de phobies bizarres, et qui disait avoir accès à un autre monde, et qui avait eu visiblement une enfance perturbée. Difficile. C'est ça. En parallèle, la sœur de Lissy, Amanda, est victime d'épisodes psychiatriques qui la laissent dans un état catatonique, dans une maison, ils sont obligés de la mettre dans une maison de repos. Et Lissy est aussi harcelée par un fan, Jim Dooley, qui tient à tout prix à récupérer les manuscrits inédits de son mari et qui est prêt à faire beaucoup de mal pour ça. Mmh. Donc beaucoup de problèmes d'un coup. Effectivement, oui. Donc comme King le rappelle dans la postface, le personnage de Lissy est en partie inspiré de son épouse, Tabitha King. Bah, les similitudes, ça va être principalement le côté épouse de romancier, mais Tabitha est romancière elle-même, donc elle n'a pas le rapport un peu distant à la littérature de Lissy. Et par contre, elle a bien 4 sœurs, a priori. Donc la mécanique entre Lissy et ses sœurs peut être inspirée, King l'a voulu lui-même d'ailleurs, de celle entre Tabitha et ses sœurs. D'accord, intéressant. Dans une interview pour Publisher Weekly, il dit qu'au départ, il envisageait éventuellement une histoire un peu plus amusante dans laquelle il se serait concentré sur la femme d'un auteur vedette ignoré par tout le monde, par la presse, par les fans et compagnie, mais qui en réalité lui aurait sauvé la peau à plusieurs reprises, aurait eu une orientation assez importante sur sa carrière. Ce qui, encore une fois, peut faire penser à l'influence que Tabitha King a pu avoir à plusieurs reprises sur la carrière de King, on en a déjà parlé, notamment en sauvant de la poubelle Carrie. Finalement, il est parti dans une direction plus sombre, notamment avec l'apparition du personnage de Jim Dooley, le fan psychopathe. Le cow-boy interne. Ouais, le cow-boy de l'espace, Space Cowboy en VO en tout cas. L'idée d'une mare aux idées, d'un bassin aux idées, lui vient d'un professeur d'université qu'il avait quand il prenait des cours d'écriture et qui employait cette métaphore, justement. Et une autre inspiration, c'est qu'il a été hospitalisé au début des années 2000 pour une double pneumonie et que sa femme en a profité pour faire des travaux dans son atelier pour le remettre à neuf, ranger un peu les affaires, etc. Et donc, quand King est revenu dans son atelier, il a eu l'impression de voir ce à quoi il ressemblerait quand il serait mort et qu'on mettrait toutes ses affaires en ordre. Et a priori, il a vraiment un atelier comme ça, à l'étage d'une grange, où il peut écouter de la musique à fond. Donc ça, c'est un aspect très autobiographique, comme pas mal d'autres dans le roman. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs qui peuvent avoir une inspiration plutôt réaliste. Oui, et même sans le savoir, ça se sent, ouais, au travers de la lecture. Et la source d'inspiration principale pour Jim Dooley, c'est Mark David Chapman, le meurtrier de John Lennon, qui avait déjà servi de source d'inspiration pour Fenêtre secrète. Le fan psychopathe dans, oui, Fenêtre secrète, mais qui est un peu différent. Oui, oui. Mais de toute façon, quand il s'agit de fan psychopathe, tu ne peux penser, malheureusement, qu'au destin tragique de John Lennon et à lui, quoi. Bah, c'est sûr que c'est un des premiers qui vient en tête, oui. Forcément. Ouais. Dans une interview pour Paris Review, il revient sur le travail de son éditrice à propos de ce livre, qui s'appelle Nan Graham, disant que quand on est un auteur qui vend très bien, c'est assez particulier, dit-il, de recevoir des propositions de correction et des propositions de coupe, parce que, bah, en gros, un auteur n'est jamais content, ne prend jamais bien quand on lui propose des corrections, c'est normal, c'est son bébé qu'on attaque. Mais que le danger, quand on vend aussi bien que lui, alors sinon il va pas se plaindre non plus, mais c'est que, en gros, il a le pouvoir pour dire d'aller se faire foutre à ses éditeurs, et que c'est pas toujours une bonne idée, que des fois les suggestions extérieures peuvent être bonnes. Exactement. Et que donc il faut qu'il apprenne à les écouter et à pas abuser de son pouvoir d'auteur vedette, ce qu'il dit avoir fait à l'époque où il était très dépendant de la drogue et de l'alcool. Notamment, on sait que c'est un des regrets qu'il a par rapport aux Tommyknockers. Rappelons cette histoire de l'univers DC en comics, quand même, comme quoi les éditeurs, c'est très important, que à sa toute première apparition dans le premier comics Batman, le personnage du Joker devait mourir à la fin. Et c'est l'éditeur des deux créateurs qui leur dit « Non, les gars, vous êtes en train de faire une connerie, je pense, là. Ah ouais ? Vous êtes en train de vous débarrasser d'un personnage qui a un fort potentiel. » Effectivement, le mec a bien flairé le coup, quand même. Heureusement qu'il était là. C'est étonnant parce que ça arrive pas. Enfin, de ce que j'avais lu des autres premières histoires de Batman, c'est rare que les méchants meurent. Mais ils mouraient de manière accidentelle, hein, il me semble. Ah, ok. Mais effectivement, du coup, le producteur, j'allais dire, l'éditeur de Bob Kane et Bill Finger a très très bien fait son boulot sur ce coup. Ouais, là, il avait bien senti le plan, quand même. Il écrit le livre à la même période que Cellulaire, en réalité il le termine avant Cellulaire, il écrit le premier jet de ce dernier pendant qu'il est en train de faire les corrections d'Histoire de Lisée, mais son éditrice a pensé que Cellulaire était peut-être un livre plus facile à vendre et que donc, quitte à les sortir dans un ordre, il valait mieux faire Cellulaire en premier et Lisée dans un deuxième temps en jouant un peu sur la hype créée par le premier. Oui. Et donc il retouche Cellulaire assez rapidement avant de s'attaquer vraiment à la fin de Lisée. Et leurs dates de sortie sont quand même assez proches, puisque c'est février 2006 pour Cellulaire et octobre 2006 pour Histoire de Lisée. Le premier tirage est de 1,25 million d'exemplaires. Il reste 10 semaines à la première place de la liste des meilleures ventes du New York Times. Enfin, non, 10 semaines dans la liste et une semaine à la première place, pardon. Et selon Publisher Weekly, c'est la 6e meilleure vente de romans en 2006 aux États-Unis. Cellulaire est 8e la même année d'ailleurs. Et globalement, c'est un livre qui est très bien reçu par la critique pour la qualité de la relation amoureuse décrite, la force de l'horreur et le travail sur le langage personnalisé des personnages. Oui. Et il remporte cette année-là le prix Bram Stoker du meilleur roman. King, d'ailleurs, le décrit comme son roman favori dans une longue interview qu'il avait donnée à Rolling Stones en 2014 et qu'on a déjà souvent cité. Et c'est toujours, a priori, son avis en 2020, vers 2020, quand la série sort. Aujourd'hui, le livre, quand j'ai regardé les classements des romans de King, ce que je fais toujours, j'ai été surpris qu'il n'ait pas une meilleure place, parce qu'il est la plupart du temps vers le milieu de classement. Plusieurs fois, je l'ai vu en fin de classement. Et les meilleures places où je les ai vues, c'est une fois 11e et une fois 7e. C'est la meilleure place où je l'ai vu, et c'est vraiment assez rare dans l'ensemble. Il est plutôt milieu, fin de classement, ce livre-là. Et on va aussi mentionner que c'est le premier King traduit par Nadine Gassier, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est devenue maintenant sa traductrice la plus régulière. Elle a vraiment repris la place de William Olivier Desmond. Et dans une post-fast de l'édition française, elle développe un peu sur la mentalité qu'elle a dû avoir dans son travail, qui a consisté à régulièrement piocher dans d'autres œuvres, dans des chansons, des livres, dans le vocabulaire de proches, de la famille, d'amis et de fréquentation, afin d'essayer de transmettre le langage assez particulier du roman original, où King avoue lui-même, dans sa propre post-face, qu'il a pris pas mal de formules à droite à gauche, de trucs qu'il a entendus, de choses qu'il aime bien. Mmh. Donc elle a essayé de retranscrire ça à sa traduction, et ça a dû être un assez gros travail. Oh oui. Et par rapport au prix Bram Stoker, je reviens en arrière, j'ai noté que le nombre de fois où King l'avait gagné, parce qu'on l'a souvent mentionné, donc autant faire un point, il l'a gagné pour Misery en 87, pour Terre perdue, donc le troisième de La Tour sombre en 91, pour La ligne verte en 96, Sagdos en 98, Dumaki en 2008, Doctor Sleep en 2013, en plus donc d'Histoire de Lissi, donc il l'a gagné 7 fois et il a été nommé au moins autant de fois sans l'avoir. Il n'y a qu'avec un seul roman pour lequel nous ne sommes pas d'accord. Du coup. Oui, effectivement, oui. Doctor Sleep, n'est-ce pas ? Mais il y a même une année, je ne sais plus laquelle, c'est peut-être celle de La ligne verte, où il est nommé pour 2 livres. Et du coup, il n'y a que Dumaki qu'on n'a pas abordé dans ce podcast, mais vu qu'il n'y a pas d'adaptation à ce jour, il me semble. Ça, on en discute, mais voilà. Non, il n'y en a pas pour l'instant. C'est dommage, parce que c'est un bon roman. Et bah, c'est tout pour ce que j'ai à noter sur le roman, donc on va pouvoir passer à nos avis. Je t'écoute. Histoire de lycée. Effectivement, j'ai du mal à comprendre pourquoi... Enfin, si, en fait. Malheureusement, je comprends pourquoi le roman est aussi bas dans les classements que tu as pu trouver. Spoiler, chez nous, je pense qu'il sera beaucoup plus haut que dans la majorité des classements que tu as vus. Je pense que c'est surtout un roman qui a dû déplaire pour son côté surtout plus dramatique que fantastique et horrifique, parce que c'est quelque chose qui arrive relativement sur la fin du roman, finalement. Oui. Voilà. C'est un roman très compliqué à aborder au début. Parce que effectivement, comme tu le dis, c'est écrit de manière très particulière, avec des expressions familières qu'ont Scott et Lacey entre eux. Et je trouve que les premières pages sont compliquées à aborder. Je ne sais pas si toi, ça t'a fait pareil à l'époque où tu l'avais lu en français. Je sais que tu l'as relu en VO justement pour la préparation du podcast. Oui, il avait été surprenant au départ. Mais au final, on rentre vraiment dedans. On rentre dedans parce que les personnages sont attachants. Parce que l'intrigue vraiment t'embarque sans aucune difficulté, parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que la relation de couple est très très bien faite. King maîtrise vraiment cette relation et surtout le rapport au deuil qu'a Lissy par rapport à la perte de Scott. Il y a tous ces moments-là où vu que lui est célèbre, elle n'arrête pas de rappeler que tout le monde lui souhaite... Mais tout le monde lui fait part de condoléances. De condoléances, alors que au début du roman, il est mort il y a quoi ? Il y a une dizaine d'années maintenant. Pendant 2 ans quand même, c'est pas tant que ça. Ah non, 2 ans, d'accord, oui. Il me semblait que c'était plus. Donc voilà, il y a tout ce rapport à la mort et au deuil qui est vraiment bien traité. Et puis je vais te laisser un peu parler. Un peu pareil, effectivement, c'est un roman surprenant au début. En fait, je le comparerais pas mal dans l'ambiance et le travail sur le deuil à Sagdos, dont on a déjà parlé. Déjà parce qu'ils ont ce thème en commun, quand même, du deuil. Et les deux ont la caractéristique d'avoir un début très long, où il y a beaucoup de lignes qui sont lancées, beaucoup d'intrigues qui sont mises en place, sans qu'on voit déjà comment elles vont se relier, et même où elles vont indépendamment. Ah, pour le coup, Histoire de lycée, c'est peut-être l'une des introductions les plus longues qu'on a eu, je pense. Hein. Ouais, c'est ouais, facilement 250 voire 300 pages d'introduction. Hein. Bah c'est ça, oui. Et même encore une fois, il va pas y avoir tant d'événements marquants que ça, vu qu'il y a énormément, il y a une bonne moitié du roman en réalité, c'est des flashbacks déjà en termes de quantité. Donc et en termes d'événements, des choses majeures qui vont se passer, il y en a très très peu. C'est vraiment un parcours imbriqué entre les souvenirs, le présent et les rêves. Le travail sur l'écriture, effectivement, au début surprend, mais en fait, il est très intelligemment fait parce que ça amène les expressions petit à petit et la manière dont ça se construit. Et en fait, c'est un mélange de termes que soit Scott, soit Lissy utilisaient dans leur enfance qui leur viennent de leurs parents. Donc, ça, c'est soit le cas de certains mots. Soit des tics de langage créés par leur couple eux-mêmes, quoi. Voilà, c'est ça. Au fil des années. Il y en a aussi que Lissy va reprendre qui sont en fait des mots mal prononcés par quelqu'un qu'elle a rencontré, notamment le côté accent des mecs de la fois où Scott s'est fait tirer dessus, elle reprend certains termes de ça, donc il y a plein de choses qui se mélangent. Il y a des choses qui sont des citations de chansons, en effet, de chansons qu'ils écoutaient. Donc ça forme un langage très particulier qui nous est amené assez progressivement. Avec les deux directions, des fois on a l'expression avant et on nous l'explique plus tard. Oui. Et des fois on a le souvenir avant et du coup ça installe l'expression qui peut être utilisée 200 pages plus loin de manière assez lisible. Mais en effet, c'est vraiment un roman dans lequel il faut réussir à entrer. Oui, voilà. Et mais... du coup, vraiment très gros travail de traduction parce que ça, c'est aussi très présent en VO. Il y a des mots... Par exemple, j'ai été intéressé notamment, j'ai noté ce qui est autour du nar. Oui. Nar, c'est boule en VO, B2OL, dans lequel a traduit nar, j'imagine, pour des raisons de sonorité, avec traquenard, oui. Avec mar aussi peut-être. Nar de son. Ouais, c'est ça. Et Nayamun, c'est bou Yamun. Enfin, Nayalune, c'est bou Yamun. D'accord. En VO. Bou comme un. B2O comme un enfant qui voudrait faire bou. Voilà. Bah, comme la boue de. De Monstres et Compagnie d'ailleurs. Comme les bouts de Mario, les petits fantômes. Ouais, c'est ça. Et du coup, le but, King le dit dans une interview, c'était d'avoir un nom qui fasse enfantin. Oui, voilà. Et du coup, c'est intelligent d'avoir repris Na, qui est une espèce de mot d'enfant qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais que Scott aurait pu avoir enfant. Et en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est que ces tics de langage, donc au début, c'est compliqué à maîtriser, parce que nous, on ne les connaît pas, mais c'est quelque chose au final que le lecteur comprend et se raccroche facilement, parce que c'est des choses que nous-mêmes, en fait, avec notre entourage personnel, on est à même de créer, en fait, tout simplement. Oui, c'est ça que n'importe qui peut faire au fur et à mesure. On a tous des tics de langage ou des expressions que tu vas employer qu'avec certaines personnes, en mode un peu clin d'œil, comme le font, en fait, Scott et Lacey ensemble. C'est ça qui est très intéressant et très intelligent, surtout. Putain, il est... Parce qu'elle dit pas putain, c'est traduit comment en... C'est... en VO ? C'est fou, je crois. C'est foutra ou quelque chose comme ça. D'accord, ouais. Mais donc... C'est foutra de merde. Donc ouais, ça fait un début très long et un roman dans lequel il faut réussir à rentrer. Si on passe pas... Je pense que vraiment, pour le coup, et c'est peut-être le seul cas chez King, si on passe pas la barrière de la langue, je pense qu'on peut pas rentrer vraiment dans le roman. Oui. Il y a quelque chose qui risque de bloquer. Même si après, toutes ces expressions-là s'amoindrissent au fil du roman quand même. Un peu, mais c'est quand même surtout qu'on s'y habitue, je pense, oui. Parce qu'il y en a encore pas mal. Hein. Et ensuite, effectivement, tout est un peu dans le désordre, parce qu'il va y avoir la structure des flashbacks est assez particulière, c'est-à-dire on va toujours suivre l'ici du présent, oui. Qui va se souvenir d'un événement dans le passé, et potentiellement cet événement dans le passé... C'est Scott qui lui raconte quelque chose encore plus dans le passé. Et il y a même un cas où quand elle se souvient de la période où Scott était lui-même catatonique, c'est la Lacey du présent qui se souvient de la Lacey du passé, qui se souvient de Lacey encore plus dans le passé, qui se souvient de Scott qui raconte quelque chose. Ah, c'est super intéressant. Il y a les quatre temporalités qui existent des fois avec des successions de chapitres très courts, oui. Qui vont de l'une à l'autre. Il y a un espèce de jeu de poupée russe autour de ça qui fait que il est vraiment très complexe en fait dans sa structure. Alors qu'on sait que King écrit plus ou moins en impro, sur celui-là, il arrive à quelque chose vraiment compliqué, je trouve. Il y a un jeu aussi sur l'écriture de tous ces passages-là, avec tous les différents flashbacks, où chaque... Parce qu'en fait, c'est des sous-chapitres dans des grands chapitres, et donc chaque sous-chapitre se termine, et le chapitre d'après continue en fait la phrase. C'est ça, s'interrompt au milieu d'une phrase, et le sous-chapitre d'après continue. C'est une mécanique déjà qu'on avait vue dans ça, quand on faisait des passages entre l'enfance et l'âge adulte. Oui, effectivement. Mais là, il est employé... Il y a tout un gros passage où il est vraiment beaucoup employé, quoi. Oui, ça revient pas mal. Mais de manière très maligne, en fait. C'est très intelligent d'utiliser les flashbacks comme ça. Bah, il y a aussi le cas qui, pour le coup, n'était pas dans ça... Où il ne termine pas une phrase et où le chapitre d'après recommence pas exactement avec le début de la phrase. Ça reprend avec une phrase qui reprend au début comme s'il y avait une espèce de latence qui se créait. Ouais. Donc ça installe un rythme un peu hachuré, très particulier. Et du coup, donc pourquoi le roman est très prenant, je trouve ? Parce que même si il distille ces informations au compte-gouttes, très vite, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu sens que... L'environnement qui s'est créé autour de ce couple-là n'est pas forcément, entre guillemets, normal, on va dire. Oui. Qu'il s'est passé des choses, et que surtout, Lacey se rappelle de choses qu'en fait, elle a oubliées, mais volontairement. oublié. Oui. C'est-à-dire, il y a très souvent, sur tout le début du roman, il y a très souvent une petite voix intérieure qui arrive entre parenthèses et qui lui dit « Non, ne t'en souviens pas, oublie ça, passe à autre chose. » Oui, il y a des traumatismes qu'elle a refoulés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette recherche de souvenirs pour faire son deuil, mais du coup qui implique, de volontairement faire ressurgir des mauvais souvenirs ou tout du moins des souvenirs un peu terrorisants pour certains. C'est ça qui amène d'ailleurs le roman au fur et à mesure dans le fantastique et dans l'horreur. Oui. À certains moments. Même si... Oui, c'est vrai que des fois on va avoir des évocations très rapides, notamment quand Amanda commence à se scarifier, ce qui arrive assez tôt dans le roman, il y a une évocation qu'il est arrivé des trucs à Scott en 96, mais il y a juste la date qui nous est donnée et ça vient très tard pour le coup, le flashback Scott 96. Avec la première fois qu'on parle du nard de sang, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais. Avec l'accident de la main. Mmh. Et le manuscrit du nard aussi, c'est le manuscrit blague qu'il a laissé. Oui. Donc un nard, effectivement, on peut peut-être expliquer ce que c'est, parce que c'est un élément important, mais comment définir un nard, parce que ça... c'est... Alors un nard normal, c'est une sorte de blague. Ouais. Un traquenard, donc on écrit avec un trait d'union entre trac et nard. C'est des sortes d'énigmes. Ouais, c'est une chasse au trésor, avec une récompense derrière. Et le nard de sang, c'est de la flagellation. En gros, ça consiste à se frapper ou à se faire saigner. Donc plutôt la scarification. Oui, plutôt de la scarification pour évacuer un mal. Ouais. On ne sait pas exactement lequel. Alors plutôt. La crapoisse. Ouais, la crapoisse. C'est comme ça que c'est traduit en français. Se faire saigner ou faire saigner les autres. C'est un peu le risque du nard de sang, c'est que notamment le père de Scott, quand ça marche plus en le faisant sur lui-même, il est obligé de le faire sur ses enfants. Donc voilà, c'est les trois types de nards qui sont tous les trois des sortes de plaisanteries, mais assez malsaines. Et si on doit dire une colonne vertébrale au roman, mais du coup elle est assez floue, c'est que Scott a laissé, sans qu'on sache comment, il semble avoir des pouvoirs un peu de... des pouvoirs spéciaux, il a laissé un traquenard à Lucie pour lui permettre de régler ses problèmes avec Amanda et avec Jim Dooley, comme s'il savait que le fan allait arriver. Oui. C'est pour régler ces problèmes-là, et puis aussi pour faire son deuil une bonne fois pour toutes. Oui, c'est aussi le but de ce traquenard ultime. Donc la première étape du traquenard, c'est l'appel, si on les reprend dans l'ordre. Oui. Donc c'est en rendant visite à Manda, donc Manda c'est Amanda, c'est le diminutif de sa sœur, et non pas le nom d'un de mes chats, n'est-ce pas? Ça m'a perturbé pendant ma lecture au début. Ah oui, j'avais pas tilté. Au début, ça m'a perturbé, je te l'avoue. Alors, il me semble que quand elle lui rend visite la première fois, elle n'est pas encore en hôpital. Pour l'instant, elle a été retrouvée par sa seconde sœur, Darla, si je ne me trompe pas. Ouais. Juste après que Amanda ait refait, ce soir, rescarifié les mains en déglinguant une tasse de thé. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il décide d'amener Amanda... J'allais dire dans un hospice, mais est-ce que c'est vraiment le bon terme? C'est plus une maison de repos, hôpital psychiatrique. Maison de repos, hôpital psychiatrique, ouais. Et c'est là que Amanda glisse dans l'oreille à Lycée le mot « nard », alors qu'à ce moment-là, normalement, elle est censée être totalement catatonique et qu'elle ne dit plus rien, quoi. Ouais. Et c'est là que ça fait ressurgir beaucoup de souvenirs à Lycée. Alors, je revérifiais dans ma continuité, j'en ai fait une vu que je savais que le livre serait compliqué. Là, ça fait ressortir le deuxième souvenir, en fait. Elle avait déjà eu celui de 88, mais je crois que c'est Amanda qui, dans le premier chapitre, quand elle va chez Lycie, trouve l'appel dans son atelier. Elle lui parle de l'appel, même. Ouais, elle lui en parle peut-être. C'est juste après le souvenir de la fusillade qu'on a Darla qui appelle Lycie. Comme vous le notez, l'ordre du livre est vraiment particulier, donc c'est pour ça que j'ai fait une liste, parce qu'il est très spécial. Parce qu'en fait, l'appel lui rappelle le souvenir, car c'est avec cette pelle-là en fait, qu'elle a assommé le forcené, tout simplement, qui tire une balle sur Scott, alors qu'ils sont en pleine inauguration d'une future bibliothèque qui doit être construite. Ouais, c'est ça. Et donc, tout le monde avait pris une photo d'un mec random qui avait ramassé l'appel, donc en croyant que c'était lui le héros, mais en réalité, c'est Lissi qui a donné un coup de pelle au tireur. Et qui a empêché qu'il achève Scott, qui était déjà tout de même très très blessé. Oui. Et qu'il y a tout cette première fois où on se dit, oui, là, la blessure, elle devrait être mortelle. C'est comment est-ce qu'il survit à ça et comment est-ce qu'il se remet aussi vite. Oui, c'est la première fois qu'on a les termes cow-boy de l'espace. C'est aussi la première fois, il me semble, qu'on mentionne le petit galon. Oui, effectivement. Parce que quand Scott est en train d'agoniser sur le parking, il dit qu'il peut l'appeler. Voilà, il parle du petit galon. Qui est une menace dont on reparlera plus tard. Parce que pour l'instant, vraiment, tous ces termes sont balancés pêle-mêle sans qu'en fait, en tant que lecteur, on puisse comprendre grand-chose. Quoi. Ouais. Mais par contre, c'est intelligent parce qu'on est aussi perdu que là ici, parce qu'elle aussi, à ce moment-là de leur vie de couple, c'est les premières fois où elle entend parler aussi du petit galon. Bah, techniquement, non, c'est qu'elle a déjà refoulé parce qu'ils sont déjà mariés depuis un moment. La fusillade, c'est en 88. Donc il y a déjà eu toute la scène sous l'arbre Miam Miam. Ah bah oui, elle l'a déjà oublié. Parce que l'arbre Miam Miam, c'était pendant le voyage de noces. Ouais, c'est ça. Donc elle l'a vraiment effacé. C'est nous, on l'a dans l'ordre où elle se souvient. On les a pas tout à fait dans le désordre, dans l'ordre antichronologique, mais oui. C'est. Là, elle a déjà oublié des souvenirs qui datent d'encore plus tôt et dont elle se souviendra dans le roman plus tard. Oui. C'est là aussi qu'on a la première évocation du roman Les Diables Vides, que Lissy déteste, mais qui a été celui qui a fait le succès de Scott. Mm. Et en effet, un peu plus tard, après qu'Amanda se soit scarifiée et dit le mot de nard, on a le souvenir du nard de sang, donc c'était avant qu'il soit marié, en fait c'est juste avant que Scott la demande en mariage. Oui. C'est après au moment où il vend son tout premier roman. Ouais, voilà. Après une dispute, lorsqu'il est arrivé bourré et très tard, alors qu'ils avaient un rendez-vous, Scott va dans le jardin au loin et il revient. On entend un bruit de verre et il revient plus tard avec la main en sang parce qu'il il a frappé dans une serre en verre avec son poing. Et puis plus qu'en sang, la description nous fait vraiment comprendre qu'il a la main bousillée. Quoi. Oui, c'est ça, qu'il y a limite des doigts qui sont sur le point de se détacher. C'est là qu'il évoque pour la première fois que c'était ce que faisait son père, régulièrement. C'est la première fois qu'il évoque son frère mort aussi. Et sa technique pour régler ça, c'est juste, plutôt que d'aller aux urgences, c'est de demander à Lissy de lui préparer un bol d'eau chaude avec du thé dedans. Il trempe la main. Et le lendemain, alors que dans la nuit, Lissy a eu l'impression qu'il a disparu du lit, mais le lendemain, elle le retrouve avec des cicatrices toujours marquées, mais qui seraient celles d'une blessure pas excessivement grave. Et donc, elle se dit seulement que c'est rien, quoi. C'est juste... ça me paraissait grave à l'époque, hier, dans la panique, mais pas tant que ça. C'est la première incursion du fantastique dans le roman. Ouais. Cet événement-là. Mais là, elle refoule encore beaucoup, au final, ici. Elle refoule encore tout. Mais ça joue King dans ses descriptions et dans les pensées de Lissy, joue beaucoup sur le fait est-ce que finalement c'est vraiment ce qu'elle a vu, donc toi-même en tant que lecteur, est-ce que c'est vraiment quelque chose de fantastique, est-ce que c'est elle qui sombre un peu dans la folie, parce qu'on te fait comprendre quand même que la folie tourne autour de ce couple-là, mais à ce moment-là tu sais pas qui est vraiment touché par la folie. Oui. Sachant que c'est dur à dire autour de Scott, vu que son monde a l'air de bien existe même très clairement. Oui. Est-ce qu'il est fou? Quel est son degré de folie? C'est toujours une question très ambiguë dans le roman. C'est quelque chose de très intéressant. Mm. Surtout avec la relation avec le père, le frère. Ouais. Bon, ça, on y viendra après, parce que je te laisse continuer ton déroulé. Dans le genre truc qui passe vite, qui n'a pas une place importante dans le roman, mais qui, je trouve, rajoute pas mal de vie, c'est dans la famille de Lissy, au final, il y a deux des sœurs. Enfin, il y en a une qu'on ne voit pas du tout, et il y en a une qu'on voit très peu. Il y a Cantata qui est au loin. Oui. On voit assez peu. Et il y a Jodota qui est partie. Oui. Elle est juste mentionnée quelques fois. Il y a aussi la fille d'Amanda qui est juste évoquée à deux, trois reprises. Oui. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que ça met de la vie dans des personnages qui n'apportent rien à l'intrigue. Leurs problèmes ne seront pas résolus. On ne verra pas Jodota, on ne verra pas la fille d'Amanda. Mais juste, ils sont évoqués comme existants. Et ça, je trouve que ça fait vivre le tableau familial de l'héroïne. Oui, puis ça fait en sorte que ça ne soit pas des personnages carapace vite, quoi, tout simplement. Ouais. La prochaine étape donc du parcours, c'est que cette fois-ci, Amanda est totalement catatonique après avoir prévenu Lissy qu'un nard de sang approchait. Et du coup, ils sont obligés d'appeler l'asile du docteur Whitlow. Et là, on se rend compte qu'à nouveau, Scott avait prévu le coup. Oui. Puisqu'il s'était trouvé un docteur évidemment fan de lui. Et donc, il s'était débrouillé pour que, en lui disant « Je vous dédicace des livres et on dîne ensemble. Et quand ma femme appellera pour sa sœur, vous lui trouverez bien une place pour elle, même si vous êtes surchargé. » Donc c'est une nouvelle... c'est les étapes qui approchent peu à peu. Et là, Lissy a déjà eu ses premiers problèmes avec Jim Dooley. Alors, est-ce que tu veux rappeler un peu tout ce qui concerne les fans les... de Dooley en particulier? Alors, autour de Scott et de ses écrits, il y a une espèce de... Alors, c'est pas dit comme ça, mais une espèce de... J'allais dire de secte, mais le mot est fort quand même. Mais tu sens qu'il y a un groupuscule de fans pas très bien dans leur tête qui pensent qu'il y aurait des messages cachés à l'intérieur même des écrits de Scott. Et qui voient en Scott vraiment limite un prophète en fait de quelque chose de plus grand. Et c'est eux que du coup que le couple baptise les cow-boys de l'espace. Jim Dooley est envoyé par... est-ce qu'à ce moment-là on le sait qu'il est envoyé? Bah on... Oui, parce que c'est lui qui se présente comme ça en tout cas. Il est envoyé par... comment il s'appelle? Dashmill. Le professeur. Le professeur Dashmill. Ouais. Pour récupérer en fait les écrits de Scott qui n'ont pas encore été publiés vu que des écrits soit inachevés, soit achevés, des romans mais pas publiés vu qu'il est décédé. Sauf qu'il a des méthodes un peu brutales, c'est-à-dire oui. que tuer des chats errants et les foutre dans les boîtes aux lettres, bon c'est pas vraiment une bonne technique d'approche. En croyant que c'est le chat d'ici, hein, il, oui. à la base le but c'est de tuer son chat domestique. C'est pas une raison. Non. C'est pas une raison. Et tout ça, c'est dit vraiment dans le roman, le fait que des mecs voient en Scott quelqu'un d'incroyable, mais c'est pas plus développé que ça. Et ça aussi, je trouve que ça apporte vraiment de la vie à cet univers et à la carrière de Scott, finalement. Oui. Après, c'est des fans, c'est pas tout à fait une secte. Non. On sent qu'ils sont pas loin de dériver, quand même, sur les fans de Sutter Kane dans L'Antre de la Folie. Hein. Voilà. C'est... Ça peut partir très vite, cette histoire. C'est ça. Et effectivement, Jim Dooley, là, ici, appelle la police pour les prévenir, pour leur dire qu'il y a potentiellement un fou qui pourrait intervenir, qui pourrait arriver. Mais ça ressort pas encore beaucoup pour l'instant. Non, enfin, ça va pas plus loin, en tout cas. On sait qu'il est là. Ouais. Très vite, du coup, Lissy va contacter le commanditaire de tout ça. Qui malheureusement lui dit bah en fait je peux plus le contacter parce que son téléphone ne répond plus. Son téléphone n'est plus administré et je trouve que juste ça rend Jim Dooley très menaçant. Oui. Parce que du coup c'est une menace visible qui devient totalement invisible et vu que le roman est totalement écrit sous l'angle de Lissy, bah tu ne sais pas ce qui se passe autour. Et on verra, c'est ce que la série rate totalement, par contre, avec le personnage de Dooley. Oui, c'est un des plus gros échecs de la série, je trouve, Dooley. Alors, je me corrige, c'est Woodbury, le professeur, qui veut récupérer les manuscrits. J'ai confondu parce que Dashmill existe aussi. C'est la fusillade. Dashmill, c'est l'universitaire, du coup. Ouais, et en fait, les deux personnages sont le même dans la série. Dans la série télé, voilà. C'est pour ça que j'ai fait l'erreur. Lissy prévient Andy Clutterbuck, d'ailleurs personnage qui est aussi dans Bazar, je crois. Oui. Ou dans La Part des Ténèbres. Non, dans Bazar. Ouais, dans Bazar. Et à un moment, il y a l'auteur de... De Sac d'Os. Qui est mentionné. Ouais. Exact. Voilà. C'est les deux références. C'est vraiment les deux romans les plus proches, hein, je trouve, Sac d'Os et Lissy. Oui, clairement. Si vous avez aimé l'un, il y a de fortes chances d'aimer l'autre. Bah, et puis, ça traite du deuil. Sauf qu'en fait, il y a une inversion. C'est le deuil d'un personnage masculin pour Sac d'Os et le deuil d'un personnage féminin pour Lissy. C'est très chaud, alors c'est moi. Scott m'a donné à boire. Mais pas du chocolat chaud. C'était de l'eau fraîche. Une vraie merveille. Il a dit qu'elle venait du bassin. Celui de Naya Lune. Quel bassin? Aujourd'hui, qui va me donner à boire? C'était l'eau la plus pure que j'ai jamais bue. J'aimerais pouvoir la regoûter, petite Lissy. Mais il a dit que le bassin était dangereux. Quand on le regarde, on ne peut plus détourner les yeux. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais très bien de quoi je parle. Tu ne veux pas te souvenir et pourtant il le faut. Il t'a laissé un traquenard. C'est ce qu'il m'a dit. Le jour où il m'a donné l'eau, il me l'a dit. Il m'a dit que c'était comme... Une chasse au trésor. Une chasse au trésor. Le tout premier indice, tu l'as trouvé. Je te le dis parce qu'il me l'a dit. Il s'agit de la pelle en argent, celle qui lui a sauvé la vie. Et il a dit que tu la verrais avant même que tu ne le voies. Tu l'as vu ? Oui. Il a laissé un autre indice et il a dit que tu le trouverais. Scott était unique. Manta. Il était unique. Amanda. Je sais, parfois il disparaissait, pouf. Amanda. Personne ne pouvait disparaître comme Scott London. Amanda, dis-moi ce que c'est. Non. Là, les prochaines étapes s'établissent, c'est grâce au docteur qui lui a rappelé quelque chose qu'a dit Scott. Lissy veut retrouver une boîte de sa grand-mère. Ouais. Une boîte dans laquelle elle sait même plus ce qu'il y a et à laquelle elle n'a pas pensé depuis des années. Et elle retrouve dans un carnet qu'utilisait Amanda au début du livre, une note avec l'écriture d'Amanda. Donc c'est le nom de ce qu'on apprendra à être le bateau. Oui. Donc les rebords, c'est ça. Oui, c'est ça. Un bateau où ils jouaient en fait gamines d'être des femmes pirates. Ouais, c'est le Hollyoaks en VO. Donc qui lui servira à recontacter Amanda par la suite. Et une avec l'écriture de Scott qui lui dit que la quatrième station est sous le lit Minecot. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous dit direct. C'est des carnets que Scott a offert à Amanda. Oui. C'est-à-dire que vraiment très très tôt, en fait, il avait mis tout ça en place. Ouais, effectivement, c'était très établi. Donc c'est là qu'on a l'évocation de la période berlinoise. Mm-hmm. La période berlinoise, ça a réussi à David Bowie, beaucoup moins à Scott. Parce que c'est une période où, en gros, il a été sous tout du long, ses cours marchaient pas, il avait pas d'inspiration, il écrivait pas, comme si c'était un peu un lieu maudit. Mm-hmm. Donc je trouve que ça marche bien aussi, tout ce passage berlinois. Quand elle le raconte, même elle l'a très très mal vécu. Oui. Oui, c'est des mauvais souvenirs. C'est des très mauvais souvenirs pour elle. Il y a vraiment un passage où elle te décrit... T'as l'impression qu'en fait, elle-même se sentait comme être une femme-objet, en fait, tout simplement. Oui. Il y a des moments où vraiment, tu te dis « waouh ». Oui, c'est l'étape la plus basse de leur couple, au final, cette période-là. Et c'est là, pareil, qu'on a la première évocation de l'arbre miam-miam. Oui. Mais il faudra attendre le chapitre suivant pour avoir une partie du flashback et encore plusieurs autres chapitres pour en avoir l'intégralité. C'est vraiment l'étape qu'elle a le plus de mal à se souvenir puisque c'est l'étape où ça revient à admettre que Nayalun existe. Ouais. Oui, parce que c'est le moment où elle ira pour la première fois. Ouais, c'est ça. Donc l'arbre Miam Miam, en fait, c'est Scott qui, dans un arbre, qui forme une sorte d'igloo. C'est-à-dire il est tellement couvert de neige qu'à l'intérieur, il fait plutôt chaud. C'est un saule pleureur qui, du coup, avec le poids de la neige, fait une espèce de cage comme un igloo, comme tu l'as dit. Ça se passe avant le mariage. Ils vont se marier juste après, ou ils viennent de se marier. Oui, parce que crois que c'est juste avant, quand même. Ils veulent lui dire avant qu'ils se marient pour qu'elle puisse encore partir. C'est pendant leur voyage de noces. Non, c'est pendant le voyage de noces, l'arbre Miam-Miam. Parce que je crois qu'il veut lui dire avant qu'elle puisse plus reculer. Pour qu'elle puisse partir si les souvenirs sont trop horribles. Parce que c'est là qu'il lui annonce qu'ils pourront jamais avoir d'enfants aussi. Oui, exact. C'est la dernière étape. Oui, c'est là qu'il lui explique pourquoi ils pourront jamais avoir d'enfants, non pas parce qu'il a des... Parce que ça aussi, ça a été évoqué avant ça dans le roman qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, mais on ne sait pas pourquoi ils ne peuvent pas en avoir. Ouais. Là, on saura la raison, en fait. Ce qui veut dire qu'il a peur de transmettre sa folie, même si c'était par adoption ou par une autre technique. Voilà, en fait, etc. C'est... Ouais. Du coup, on y vient, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est qu'il explique que dans sa famille... Il y a une espèce de malédiction qui touche les membres de sa famille. C'est soit les mecs finissent totalement jobards, soit totalement catatoniques. Donc effectivement, ça incite pas à la reproduction. Ouais, non, effectivement, c'est pas très vendeur. C'est pas très vendeur d'avoir des enfants dans une situation comme ça. Et donc, il a des termes. Sa famille a également, enfin son père, a des termes pour cela. La folie, c'est la crapoisse. Et par contre, la catatonie, j'ai oublié. Alors, je sais, moi, du coup, j'ai les termes en VO qui me viennent, là, c'est Gomers. J'ai totalement oublié le terme de la catatonie, mais après, c'est pas un terme qui revient très souvent, c'est surtout la crapoisse qu'on parle, puisque c'est le mal dont t'es victime... Qui est le plus dangereux, ouais. Bah, dont t'es victime le père et le frère, mais ça, on y viendra plus tard. Ouais. Là, on a les deux souvenirs, donc déjà, le nard de sang où il lui demande de sauter d'un banc. Oui. Qui est pareil, un truc que je trouve pas très réussi dans la série, on y reviendra. Oui. Parce que là, il doit sauter d'un banc et c'est très clairement dit qu'il est pas haut, quoi. C'est comme si vous étiez debout sur une chaise, grosso modo. Donc oui. Ça paraît grand quand vous avez 3 ans. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de risque. Oui, mais rappelons. Sauf qu'il y a le père qui gueule comme un putois à côté et qui scarifie le frère si Scott y va pas. Et puis surtout que Scott a 5 ans aussi. 3 ans même, là. Ah, aussi jeune ? Ouais, il est super jeune à ce moment-là. Ah ouais ? Ouais. C'est même mentionné justement que Lucille mentionne que c'est pas cohérent normalement qu'il ait une telle des tels souvenirs et qu'il soit tellement en avance parce que le nard de sang le traquenard super de Paul il se passe peu après et du coup elle dit mais comment est-ce que Paul savait lire et écrire et comment est-ce que toi tu savais lire. Ah mais oui elle le dit clairement dans le roman mais et ton père avait-il conscience qu'il torturait deux gamins très intelligents. Mais c'est vrai que du coup, oui, l'ambiance sautait du vent. C'est un peu Fort Boyard si le père Fouras pétait un câble, tu vois. Il faut sauter du banc ou je tue votre partenaire. C'est si Félindra lâchait vraiment les tigres, quoi. Ouais. Félindra, griffe de tigre. Allez hop. Pas nourri depuis 4 jours, c'est parti. C'est la version bollywoodienne, tu sais. Félindra, balance-leur les tigres à la gueule. Donc, il y a ces souvenirs-là. Et là, on en arrive de nouveau au présent. Donc, bah, en gros, première fois qu'il arrive quelque chose de vraiment grave, concret dans le présent, enfin à part Amanda, c'est quand même et le chat mort, c'est la première fois que Dooley, on va vraiment le voir et qui va vraiment intervenir physiquement. Ouais, qui débarque physiquement chez elle. Ouais, et on est au chapitre 9. Le roman est long, il fait 730 pages et il n'y a que 16 chapitres. Hein, donc chapitre 9, on en est à la page 300 minimum. Hein, ouais. Je vais essayer de le retrouver pour être sûr. Bah, chapitre 9, je tombe direct dessus, page 360 de l'édition poche. Voilà. Donc c'était bien ce que je disais, ouais, c'est 250-300 pages d'introduction. Ouais, c'est ça, mais c'est la moitié du roman. Mais après, c'est de l'introduction qui te balance tellement de pistes pour la suite que t'es pris dedans très très vite en fait. Oui, c'est ça. Mais on va voir que c'est un truc compliqué pour l'adapter derrière. Oui. Encore plus que Sagdos, je pense. C'est, ça fait partie des romans très très difficiles à adapter, je pense. Et du coup, première apparition de Julie qui, vraiment, je trouve, moi, en termes de frayeur, est ultra efficace. C'est-à-dire qu'elle est chez elle, elle écoute en fait un message que lui lui a laissé, et en fait, à la fin du message, il l'insulte en mode « je vais pas me laisser faire, sale con », une connerie comme ça, je me souviens plus du texte exact. Et directement, et tu entends une voix qui répond « bah, c'est pas très gentil ça, madame, médem », pour reprendre le tic de langage et d'accent. Il dit « bah, c'est pas très gentil ça, médem », et elle-même, en fait, au début, Bug se dit, bah, le répondeur m'a répondu. Alors que non, toi-même, en tant que lecteur, et elle aussi comprend tout de suite qu'en fait, il est là, il est derrière elle. Il est dans la pièce avec elle. Et en termes d'effroi, ça fonctionne du tonnerre, quoi. Puis même tout son chapitre, du coup, il est très, très, très, très brutal. Oui. Ah bah, la torture... Elle lui dit, va te faire touffe. J'ai retrouvé la page. Oui, voilà, donc c'est bien ça, c'est touffe. Pour foutre... Donc oui, il est très brutal, il va d'abord la frapper, puis la blesser avec un coup d'objet, enfin il va lui cisailler la poitrine en fait, oui. Il va la blesser gravement, et c'est là que Lucy comprend que, en fait, il n'en est plus à vouloir les manuscrits de Scott, parce qu'en soi, il aurait pu fouiller, il avait accès libre à tous les manuscrits, il aurait pu voir... S'il était là. En réalité, il a vu des trucs probablement, et qu'il a mal pris, qu'il a pris pour des blagues de Lucy, enfin... Il croit tellement à son délire qu'il y a des romans inachevés, plein de choses à trouver, qu'il ne sera jamais satisfait par rien. C'est ça. Pour filer la métaphore avec l'assassin de John Lennon, d'ailleurs, il y a cette idée qui revient qu'il l'appelle Yoko. À cause de toute la haine qui s'est développée chez les fans des Beatles et de John Lennon envers Yoko Ono. Autour de Yoko Ono. Ouais. C'est vrai que la pauvre, elle a douillé. Ouais, clairement. Et pourtant, effectivement, artistiquement, j'aime pas beaucoup ce qu'elle fait, mais effectivement, elle en a pris plein la gueule, elle a été présentée comme un démon. Alors que bon, les Beatles, c'était des connards, tout seul, sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. Même si t'aimes pas ce qu'elle faisait professionnellement, bon, ça reste quand même un être humain, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, on retrouve beaucoup cette idée. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'autres exemples, vraiment, d'épouses d'artistes accusés d'avoir vampirisé le talent de leur mari. Mais là, il y a clairement cette thématique que je trouve intéressante. Oui. Ça, pour le coup, c'est développé dans la série. Mais encore une fois, un peu de manière balourde, on y reviendra. Dooley, en fait, ce qui fait peur chez Dooley, c'est que, certes, il est fou, mais c'est une folie maîtrisée. c'est une folie où le mec, tu le croises comme ça, tu peux discuter avec lui, t'as pas l'impression qu'il est fou en fait. Bah à la limite oui, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé au professeur qui au début discutait avec lui autour d'une bière de leur passion pour Scott. Et au début ça se passait bien, après le prof aurait dû voir que ça dérivait. Mais, oui. Mais ça a commencé comme ça, ça a commencé banalement. Donc oui, il a une folie qui se déclenche que par moment. Et c'est là qu'on a les deux très très gros chapitres de mélange flashback présent où il y a vraiment le plus de, on va dire, de couches au millefeuille. C'est la fois où elle se souvient de l'année 96 grâce à l'Afghan. L'Afghan, c'est une couverture. Ouais. Et non seulement déjà le terme Afghan, j'ai dû revérifier ce que ça voulait dire, mais en plus, eux appellent ça... Une Africaine, hein, parce que c'est dans leur langage. C'est Lissi qui avait fait l'erreur une fois. Donc vraiment là, on est dans les exemples typiques de mots où si on ne sait pas ce que ça veut dire, on est totalement perdu. Et du coup, c'est pour être clair, en fait, une espèce de petit plaid dans l'aine. Ouais, c'est voilà, ça, tricoté par la grand-mère. Voilà. Enfin, cousu plutôt par la grand-mère. Donc, on sait, Lissi admet enfin qu'elle a shifté une fois sous l'arbre très rapidement. Et c'est là qu'on a le récit qui lui a narré le soir dans leur lit de la mort de Paul. Ouais. Donc je te laisse développer la mort de Paul. Mort de Paul. Est-ce que tu as vu Conjuring? Oui, bien sûr. Attends, mais Paul en fait se fait posséder, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, parce que pour le coup ça s'apparente beaucoup à une possession démoniaque, comme c'est décrit, se fait posséder par la crapoisse. Donc, qui est cette entité qui... une entité. C'est très bizarre, en fait, parce que c'est un mélange entre une rage surdéveloppée et vraiment une possession démoniaque. Mais, donc, du coup, il subit la crapoisse, il est totalement fou, il veut tuer Scott. Très rapidement, le père réussit à l'assommer et il l'enferme dans la cave. Ouais, ce qui, pour le coup, fait très Evil Dead, du coup. Evil Dead, ouais. Bah, remarque Conjuring aussi. Hein. Oui. Dans un premier temps, ils attendent de voir comment ça évolue, voir si on peut le refaire sortir de la crapoisse en effectuant des saignées, des nares de sang comme il le faisait avant. Sauf que le père juge que c'est trop tard, qu'il faut achever le fils. Scott, lui, est en mesure d'aller à Nayalune. Ouais, là, déjà, c'est la première fois que c'est admis que Nayalune existe. Il sait qu'il peut y aller et c'est à ce moment-là déjà que tu comprends que à Nayalune tu peux plus ou moins être soigné. Ouais, en se baignant dans un bassin. Voilà, en se baignant dans un bassin. Sauf que ça va pas se passer comme il faut. La tentative de l'amener en le droguant va échouer et le père va devoir abattre Paul, donc le nom du frère, d'une balle de fusil dans la tête. C'est quand Paul a 13 ans et Scott 10. Voilà, la séquence est terriblement bien écrite, terriblement, c'est le mot juste, je pense, et terriblement bien écrite, elle est vraiment effrayante. C'est vraiment écrit comme une possession démoniaque, encore une fois. C'est-à-dire, il est attaché à une table qui a des pieds en fer, qui est soudée sur le sol, il me semble. Et qu'il y a une énorme machine dessus, c'est voilà, pour imprimer des trucs, mais c'est un truc manuel de demi-tonne limite. Donc du coup, ça rajoute un poids, et lui arrive à faire plier les jambes de la table, quoi. Donc il est doté d'une force surhumaine, alors que dans cette folie. Et puis c'est traité qu'il a plus rien d'humain. D'humain. Que son visage change, que c'est très, commence à maigrir, ses dents commencent à devenir tranchante, vraiment il commence à prendre une possession démoniaque. Et il y a aussi le fait que du coup, quand il est abattu, le petit Scott est choqué, puisque du coup son frère reprend un visage humain. Ouais. Et là, tu as ce sous-entendu, où toi-même, en tant que lecteur, tu dis, attends, est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Est-ce que finalement, la crapoisse existe? Est-ce que, en fait, c'est pas juste Scott qui a rêvé de tout ça parce que la folie de son père fait en sorte que lui-même, tu vois, ait subi une espèce de lavage de cerveau? T'es vraiment, à ce moment-là de l'intrigue, t'as vraiment le doute. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, en fait. Enfin, tu sais ce qui s'est passé, mais tu ne peux pas expliquer pourquoi. tout ça s'est passé de manière rationnelle. Surtout que ça s'est passé extrêmement brutalement. Il avait vraiment switché d'un coup, Paul. Il n'y a pas de signe avant-coureur. Ah oui, avant, avant c'était un gamin très bien. À la limite, il considérait comme un signe avant-coureur qu'il n'est plus allé à Nayalune lui-même. Parce que c'est évoqué que quand il était tout petit, il pouvait y aller. Et qu'en grandissant, il fallait que Scott l'amène. Il ne pouvait plus y aller de lui-même pour se soigner. Donc c'était peut-être le premier signe qui changeait. Et c'est évoqué aussi que le petit galon fascinait Paul. Oui. Et le petit galon, on n'en sait pas encore grand-chose à ce stade-là. D'ailleurs, on n'en saura jamais grand-chose. Non. Le petit galon, tout ce qu'on sait très rapidement, c'est-à-dire dès la première fois où on nous parle de lui, c'est que c'est plutôt une entité néfaste. Ouais. Voilà, très rapidement, ça, on est au courant qu'il ne faut pas le rencontrer. Mmh. Le petit galon. Et donc, ensuite, Paul peut être enterré à Nayalune, parce qu'une fois mort, il n'y a plus... il y a l'idée d'encre, du coup, qui est amenée. L'encre, c'est quelque chose qui... retient quelqu'un dans un des deux univers si elle est déplacée. Voilà. Et si elle est là. Ce qui nous ramène du coup au présent, puisque l'Africaine, donc le plaid en laine, est une encre. Ouais, c'est ça. Qui du coup favorise l'accès pour Lycée à Nayalune. Et donc là va y avoir en parallèle les trois voyages que Lycée fait vers Nayalune. Donc, celui qu'elle fait dans le présent, blessé pour aller dans la mare se soigner. Ouais. C'est là qu'elle laisse aussi l'appel, qu'on avait un peu oublié, mais il y a toujours l'appel qu'elle se promène quasiment toujours avec, en réalité, dans le livre. Faut avoir conscience que là, ça fait 50 minutes qu'on enregistre. Le livre, pour l'instant, il y a, je crois, on est la deuxième journée, ou la troisième, dans l'intrigue. Le livre est vraiment très, très... Ah, mais en termes de temporalité, tout se déroule sur une semaine, même pas. Même pas, c'est vraiment très rapide. Donc l'appel, elle la laisse sous l'arbre à la clochette, on ne sait pas pourquoi. Encore une fois, c'est comme si elle avait une sorte d'instinct. C'est ça. Il y a le voyage qu'elle avait effectué en 96, quand Scott était catatonique, qu'elle l'avait retrouvé parmi les silhouettes sur les gradins autour de la mare. Oui, parce que du coup, il faut décrire la mare. Je te laisse faire. Alors en fait, on appelle ça... C'est pas l'actrice... l'actrice culte des années 50. Oui, effectivement. Mais alors déjà, il faut préciser que dans le roman... On appelle ça une mare, enfin Scott appelle ça une mare, alors qu'en fait, la description fait plus penser vraiment à un bout de plage. Parce qu'on nous parle d'une étendue d'eau limite infinie quoi, devant eux. Oui. Et donc avec du sable et tout simplement des gradins taillés directement dans la pierre, où en fait des silhouettes de gens sont posées, et d'autres silhouettes qui... alors je sais pas là du coup si je mélange entre la série et le roman, je sais pas si dans le roman on te décrit qu'ils sont encapuchonnés ou dans des... des draps. Si, il y a l'idée des draps déjà. Il y a l'idée des draps dans le roman. Dans le roman. Et donc on voit des gens qui tout simplement vont se baigner pour, on ne sait pas parce que là ça concerne ces gens-là, mais il y a beaucoup de gens en fait qui ruminent, qui se posent la question de pourquoi ils ont agi comme ça. Il y a vraiment cette notion en fait de les gens qui sont là, soit sont là pour se soigner eux-mêmes, soit pour faire une rédemption en fait de ce qu'ils auraient fait. Ouais. Ou il y en a qui ont peut-être juste été piégés et hypnotisés par le lieu, vu que c'est plus ou moins le cas d'Amanda. C'était plus ou moins le cas d'Amanda, parce que et c'est du coup toutes les personnes qui souffrent de catatonie, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée, si on interprète, c'est que les London qui souffrent de catatonie, c'est ceux qui sont fascinés par la mare, et ceux qui sont gagnés par la crapoisse, ce seraient ceux qui se feraient avoir par le petit galon. On peut supposer ça comme explication sans avoir rien pour nous la confirmer. Parce que si ça se trouve, c'est que des métaphores et le petit galon n'est qu'une manifestation de l'esprit de Scott. Donc, déjà ça, on peut juste faire des suppositions là-dessus. Et du coup, pour te soigner, tu vas te baigner dans la mare, également en boire un peu, mais un peu. C'est dit clairement dans le roman que point trop n'en faut. Ouais. Et que trop en boire risquerait de provoquer des choses dramatiques. Mais on n'en saura jamais plus. Oui. De même qu'il y a l'évocation par ici qu'elle est quasiment sûre qu'il y a d'autres mondes au-delà de la mare qu'on ne verra jamais. Oui. Et qu'il y a des trucs encore plus profonds, des couches encore plus profondes. Oui. Donc dans le deuxième voyage, elle arrive à ramener Scott en fait en menaçant de rentrer par la forêt de nuit où elle se fera attaquer par le petit galon et donc Scott s'oblige à l'accompagner et à revenir dans la réalité, dans le monde normal. Attaqué par le petit galon ou par d'autres créatures parce qu'on nous laisse entendre qu'il y a d'autres créatures, les ricaneurs, en VF, qui rôdent en fait dans la forêt et qui, par contre, n'en surgissent que de nuit. Ouais. C'est-à-dire, Naya Lune, on te dit très vite que si t'y vas de journée, tu crains pas grand-chose. Faut pas y aller la nuit. Oui, c'est ça. Et le premier voyage qu'avait fait Lissy avec Scott, c'était donc le soir de l'arbre Miam Miam, après ouais. qu'il ait raconté la mort de son frère, où il lui montre, où il lui parle des dangers, où il lui montre la tombe de Paul. C'est juste là où il expose l'univers. Mais ce qui pourrait être simple, mais quand on a ces trois trucs qui se mélangent en même temps, ça fait un chapitre. Les chapitres 10-11, c'est vraiment très dense. Les plus alambiqués du ouais. roman. C'est très très dense. Mm. D'ailleurs, dans mon souvenir, eux deux, ils font facilement 150 pages. Hein. Oui. Et donc là, on va pouvoir entrer un peu dans le, bah, dans l'acte final. Oui, parce que là, maintenant, tous les souvenirs sont revenus à la surface. Alors, il nous en manque un, qu'on aura que très tard... Enfin, deux, en réalité, qu'on aura très tard sur les derniers chapitres. Mm-hmm. C'est la mort de Scott et la mort oui. du père. Oui, forcément. Mais la mort de Scott n'est pas un souvenir qu'elle a effacé d'elle-même. Ouais, c'est lui, ça. Lui, il est encore frais. C'est et, ça. Et la mort du père, par contre, elle ne le savait pas, il ne oui. l'avait jamais raconté. Ça, il ne l'avait jamais raconté. Elle sait que c'est lui qui l'a tué, par contre. Oui, il l'évoque. Ouais. Donc, Lissy va pouvoir maintenant récupérer Amanda, qui est perdue dans Naya Lune. Donc, c'est là qu'elle utilise une des premières gorgées de l'eau de la mare, qu'elle peut renvoyer à Amanda pour connecter avec elle, en allant à Naya Lune. Et il y a cette idée très sympa du fait que quand elle s'égarait, elle a fait très attention à poser une bouteille de bière à une place très identifiable pour que sa place de parking soit extrêmement particulière. Oui. Pour pouvoir se souvenir de l'image, pour popper directement avec Amanda dehors. Mm. Et pareil, elle le fait sans savoir pourquoi, et on peut se dire, est-ce que c'est Scott qui la guide ? Est-ce que c'est que le fait d'aller à Naya Lune donne des espèces de pouvoirs, mais en échange, ça coûte quelque chose ? Ça aussi, il y a cette ambiguïté. Oui. Donc ensuite, bah, il y a la fuite en voiture où elles appellent l'asile pour justifier leur fuite. Là, c'est le moment où il y a qui arrive beaucoup plus le thème de la sororité entre les personnages, où on se rend compte bah, qu'elles s'aiment quand même beaucoup et qu'elles aiment aussi Darla et Cantata. Ah, c'est... À partir du moment où Amanda sort de sa catatonie, vraiment, ça donne lieu à des passages drôles, ouais. émouvants. Et vraiment, la relation entre les frangines est top, quoi. Parce que la relation était plutôt très tendue jusqu'à présent, avec Amanda, bah, qui avait ses problèmes psy. Oui. Et Darla, où t'as l'impression que Lissy et Darla ont jamais eu une super relation, et il y a une autre sœur qui est complètement partie, tu peux te dire, t'as pu avoir l'impression que c'est une famille pas super fonctionnelle, et en fait, elles sont plutôt proches, au final, les sœurs. Mais ça se révèle sur les derniers chapitres, je trouve ça intéressant. Oui, clairement. Donc la mort de Scott, comment ça s'était passé, si tu veux raconter ? Il meurt de maladie, alors on n'en sait pas plus, En tant que lecteur, tu te doutes qu'en fait c'est une maladie qui est donnée par Naya Lune. Ouais, quelque chose qu'il aurait chopé là-bas. Ouais. Voilà, quelque chose qui concerne Naya Lune, qui toi, en tant qu'être humain, si tu vois ça normalement, bon bah ça te fait plutôt penser à une pneumonie. Du coup, d'où le côté un peu autobio du roman pour King. Oui. Il me semble que c'est évoqué, hein, que lui, il l'évoque dans un flashback. Il l'a eu, hein, ça venait, mais ça repartait vite, parce qu'il arrivait à se soigner. Oui. Sauf qu'à un moment, ça arrive de manière très fulgurante. C'est alors qu'il est en déplacement pour donner une conférence et lire des bouts de son prochain roman. Ça lui arrive alors qu'il est isolé, parce qu'on te... C'est encore une différence avec la série. On te dit qu'une fois sur scène et qu'il est lancé dans sa conférence, par contre, tout va bien. Oui. Comme si vraiment le pouvoir... En fait, comme s'il y avait un pouvoir littéraire qui le soignait ou qui le maintenait en vie le temps que la maladie vraiment se répande en lui. Bon, c'est clairement la métaphore. Après, c'est évoqué qu'il a pu lécher un peu de rosée à Naya Lune, mais il y a quand même clairement la métaphore du pouvoir littéraire, je pense. Voilà, aussi. Mais par contre, après la conférence, là, malheureusement pour lui... La pneumonie, on va appeler ça comme ça, puisque c'est quand même comme ça que ça se matérialise quand tu le vois en tant qu'être humain, arrive de manière fulgurante, il est transporté à l'hôpital, là ici il se rend sur place, on comprend très vite que c'est fini, ouais. Il est sur la fin de sa vie, et voilà, il meurt de manière très douce, c'est une scène plutôt émouvante, vraiment, c'est très bien écrit, et tu ressens vraiment toute la tristesse du personnage à la mort de sa moitié. Ouais. Et là, t'as l'évocation aussi qu'il n'a pas pu aller se soigner au bassin parce qu'il y a le petit galon qui bloque l'accès. C'est ça. Et donc, c'est là que tu comprends un peu ce, tu commences à comprendre vraiment un peu ce que c'est que, qu'il est immense, en tout cas, le petit galon. Oui. Donc oui, c'est une très belle scène qui est l'étape finale du deuil. C'est ce que Lissy, elle l'avait pas vraiment oublié, mais elle voulait pas se souvenir de, ce, de la tristesse. Et qui est nécessaire avant la confrontation avec Dooley, qui arrive vraiment cette fois-ci, qui a été convoqué en fait par Lissy. Ah, il lui a donné rendez-vous sur son... pour éloigner les policiers. C'est ça, il lui a donné, elle lui a donné rendez-vous... deux rendez-vous, même en étant sûr, pour être sûr, hein, parce qu'elle demande à l'autre de transmettre un message au cas où. Ouais. Et en même temps, elle laisse un message sur son propre répondeur, en fait. Et donc, la technique pour s'en débarrasser, bah, c'est de l'amener à Naya Lune pour, bah, pour le blesser, pour le laisser là, et pour que le petit galon, surtout, s'en occupe. Et donc, c'est là la seule vision à peu près claire, on va dire, ouais, on va avoir du petit galon, qui est donc une espèce de silhouette vaguement humanoïde. Mm. Toute blanche, mais avec des marques un peu de tumeur, enfin, ouais, qui attrape Dooley et qui le fait souffrir, a priori, atrocement. Et il y a quand même l'idée, déjà, dans le roman, pour le coup, ça sera, je trouve qu'il est bien fait, le petit galon, dans l'adaptation, oui, que Dooley ne meurt peut-être pas, qu'il est peut-être juste absorbé, en fait, par le petit galon. Ouais, c'est peut-être une vie éternelle de souffrance qu'il va vivre derrière. C'est ça. Et donc là... techniquement, l'intrigue principale est terminée. Amanda va mieux, on s'est débarrassé de Dooley, Lissy a fait la plupart des étapes de son deuil. Mais il reste que maintenant qu'elle a été repérée par Naya Lune, elle continue à y aller régulièrement. Et elle se demande si elle va pas finir comme Scott. Ouais. En fait, si elle va pas finir par être trop attirée par là-bas, par choper une maladie là-bas dont elle pourra pas revenir. Sauf que Scott avait aussi pensé comme ça à fermer le traquenard, à ce qu'il y ait une étape finale pour réussir à ancrer Lissy... dans le réel. Dans le réel. Et donc c'est en deux temps. Le premier, c'est un dernier texte qu'il lui laisse sur la mort du père. Ouais. Ça, je vais te laisser lire donc comment ça se passe. Le père sent que la crapausse arrive, tout simplement. Il incite fortement son jeune fils. Quel âge a Scott à ce moment-là? Il doit avoir... Il commence à approcher... 12 ans maximum. Ouais, il approche de l'adolescence. Parce que c'est pas super longtemps après la mort de Paul, quand même. Ça doit être 2 ans après la mort, ouais, de Paul, hein, donc il approche de l'adolescence. Mais en gros, son père l'incite fortement à le tuer. Parce qu'il sent que bah, pour lui aussi, c'est trop tard et qu'il ne résistera pas à la crapoisse. Scott refuse, forcément. On peut le comprendre, quand même. C'est, ouais, pas évident de tuer son paternel, même si celui-là avait des accès de violence. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas beaucoup dit, par contre. C'est vrai que le paternel a des accès de violence, mais tout au long du roman, t'as quand même le doute de est-ce que c'est la crapoisse qui le pousse à être violent, ou est-ce qu'il est vraiment violent ? Parce qu'il y a aussi des moments de vraie tendresse entre lui et les gamins. Donc t'as ce doute, quand même, je trouve. Ah bah oui, c'est... Il y a toujours ça sur jusqu'à quel point c'est une folie qu'il peut pas contrôler, jusqu'à quel point c'est aussi un peu de sa faute, ouais. Entre parenthèses, la crapoisse, c'est clairement un parallèle avec l'alcoolisme. Oui, bah de toute façon, mais il y a l'évocation aussi que l'alcool aide à l'éloigner, mais en même temps c'est un piège. Donc, mais oui, il y a clairement une évocation des dépendances en général, voilà, qui est ultra récurrente chez King en même temps. Donc il refuse jusqu'au jour où la crapoisse réussit à prendre le pas sur le père. Le père, du coup, s'arme d'un espèce de grand pic pour essayer de tuer Scott. Scott fuit. Réussit à retourner chez lui et plante son père en plein milieu du crâne avec le pic au moment où son père est endormi. Est-ce que je me mélange avec les souvenirs de la série, ou est-ce qu'il est endormi mais endormi à cause de l'alcool? Est-ce qu'il a fait exprès? Je sais plus. On ne sait pas vraiment dans le roman, vu que Scott était pas là. C'est dans la série télé où en fait c'est dans la série tu vois le père boire exprès pour s'endormir. Voilà. C'est plutôt beau d'ailleurs. Une bonne idée. Mais dans le roman, tu peux pas savoir vu que t'as que le point de vue de Scott. Voilà. Et donc voilà, le père meurt, Scott essaye de l'amener à Naya Lune, mais n'y parvient pas. Ouais. Et donc du coup, le jette dans le puits de chez eux, de la ferme en fait, où il a grandi. Donc c'est décrit dans un très très long manuscrit que Scott a laissé à Lissy. En fait, c'est ce manuscrit, la récompense du traquenard ultime. Ouais, le dernier souvenir qu'il lui avait pas donné. Voilà. Et il y a aussi en récompense l'Afghan, qu'elle peut ramener du bon côté en la trempant dans le bassin de Naya Lune. Pour s'ancrer définitivement dans le réel, en gardant toujours un bout dans sa poche. Voilà. Et donc la fin du récit, c'est elle s'éloigne, elle quitte, l'atelier de son mari. Donc les derniers mots, on peut les citer. Lissy descendit l'escalier. Un instant, son ombre s'attarda, puis elle s'enfuit elle aussi. La pièce soupira, puis trouva le silence. Ouais, c'est une très jolie fin. Et donc c'est vraiment. Mais encore une fois, on retrouve les thèmes, si on devait les dire. Il y a le travail du deuil, évidemment, qui est très très présent et qui là vraiment ne se conclut que tout au bout du roman. Il y a la folie. Il y a la folie, évidemment, les dépendances. La littérature et le pouvoir des mots, mais là, le pouvoir des mots dans une direction qui est. C'est peut-être la seule fois où King fait ça, c'est pas le pouvoir des mots que pour les auteurs, c'est le pouvoir des mots pour tout le monde, puisqu'en fait, même avec ses sœurs, Lissy a un vocabulaire particulier, elles ont leurs termes entre elles, souvent hérités du père. Oui. Donc, ça, c'est vraiment ce que veulent dire les mots pour les relations humaines, pour tout le monde. Pour tout le monde, parce que même Dooley, hein, il laisse entendre qu'il n'avait jamais lu avant de découvrir un roman de Scott. Hein. Ouais, et il parle des phrases qui l'ont marqué juste avant d'agresser Lissy. Et on voit vraiment que ça a de l'importance pour... Pour lui, ouais. Pour lui. En fait, les seules personnes qui en prennent vraiment pour leur grade, c'est les universitaires qui analysent ça de manière trop froide et qui justement refusent l'aspect humain derrière les mots, j'ai l'impression. Oui. Donc, un roman assez riche en thématiques. Oui. Et encore une fois, comme vous l'avez noté, compliqué à résumer parce que y a vraiment un gros jeu sur la construction de l'intrigue dans celui-là. Et clairement. Et puis là, on a vraiment tout spoilé comme des gros savons. Hein. Oui, après, c'est le principe de l'émission. Hein. Ça va, ils vont pas se plaindre. Donc voilà, je pense qu'on va en finir avec le roman. Ça fait déjà un moment qu'on y est. Mais on peut dire que c'est une lecture qu'on conseille, on conseille vraiment de vous y mettre. Ce sera peut-être le plus dur à lire des King. Je pense que oui, par contre, c'est l'un des King les moins abordables. Mais il vaut vraiment qu'on lui laisse sa chance, il le mérite. On passe à l'adaptation ? Eh ben, on passe à l'adaptation. Accroche-toi au barda, comme il dit. Ça fait partie des formules. Effectivement. Il a dit que les London avaient tous l'habitude d'être déconnectés de la réalité. T'étais où ? Il appelait ça être dans l'ailleurs. T'étais où ? Je sais pas comment faire sans toi. Reviens. Je suis en plein traquenard. Comment ça, un traquenard ? Un jeu de piste que Scott et son frère avaient inventé, une chasse au trésor. Madame London, il fallait que je vienne en personne pour essayer encore une fois. Ces œuvres non publiées, ces papiers doivent être rassemblés. Il faut les examiner. Il est hors de question que vous voyiez ces papiers. Elle refuse de me les donner. Je récupérerai ces papiers pour vous. Scott London, ses livres m'ont changé. Je te rappelle le soir où tu m'as demandé si j'étais cinglé. J'ai fini par y croire. Voilà le pouvoir de son imagination. Il existe un moment où on peut y retourner. L'adaptation. King est un peu hésitant pendant un moment sur l'adaptation de Histoire de Lissy parce que les deux formats qui existaient à l'époque de la sortie du roman ne lui convenaient pas tout à fait. En film, il pensait que ça forcerait à trop réduire pour faire tenir l'histoire en 2 heures. Et en série, à l'époque, on en était encore au format télévisuel, on était en 2005. Donc, en devant penser aux coupures pub, à tout ça, et ça le fatiguait un peu sur les six, surtout que ça forçait aussi à tempérer la violence. Oui, forcément. Mais au fil du temps, on est dans la période où Internet arrive, où les plateformes se diversifient, où il y a même à la télévision, en réalité, une ouverture peu à peu à des séries plus sombres, avec toutes les séries... entre autres via HBO qui sont arrivés à partir des années 2010. Oui, via les chaînes câblées, quoi. C'est ça. Et l'arrivée des plateformes qui permet des formats plus libres, plus atypiques aussi. Ça va faire que King va se dire, c'est bon, je peux peut-être faire quelque chose, je peux faire une série en tant d'épisodes, en autant d'épisodes que je veux. On ne m'imposera pas quelque chose, on ne m'imposera pas de coupure pub, donc niveau rythme, je suis plus large, j'ai juste des blocs de 50 minutes à gérer, c'est moins contraignant que de devoir mettre un climax toutes les 10 minutes. Et il décide, du fait de son attachement au livre, d'écrire la série seul. Et donc il a écrit seul les 8 épisodes de la série. C'est au final le plus long format qu'il ait écrit seul, puisque comme on l'avait dit, sur Kingdom Hospital, il y avait eu des co-auteurs. Il prend de lui-même la décision de certaines suppressions, notamment tout ce qui va concerner l'époque berlinoise n'est pas dans, dans l'adaptation. Le changement du nombre de sœurs de Lissy, c'est aussi dû à ça. Les ajouts qu'il y a sont pour une partie des suggestions du réalisateur Pablo Larraín. Par exemple, les scènes de Jim Dooley à la librairie et devant l'ancien appartement de Scott et Lissy. Le producteur exécutif, c'est J.J. Abrams, qui avait déjà travaillé avec King sur Castle Rock et sur 2163, même si c'était plus indirect. Ouais. Et il dit que c'est assez rassurant que King se soit chargé du scénario, parce que du coup, ça enlève la question de savoir si l'auteur sera satisfait ou non de l'adaptation, au final, vu qu'il a été impliqué tout du long. Et j'ai noté, parce que les recherches, c'est important, le producteur de Castle Rock qui a été en charge sur la série, il s'appelle Andrew Balek. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui fait son travail un peu à la légère. Il doit connaître David Goudenoff. Ouais, j'y ai pensé aussi, ouais. Les droits sont la propriété d'Apple pour une diffusion exclusive sur la plateforme. Mm. Le réalisateur Pablo Larraín, c'est un choix un peu surprenant pour un truc comme Eastern Odyssey, puisque c'est un réalisateur beaucoup plus habitué au drame, au film assez ancré dans le réel, notamment sur l'histoire de son pays d'origine, le Chili, avec des films comme Santiago 73 post-mortem, No, Neruda, et il a fait aussi Jackie, qui là est pour le coup sur l'histoire de l'Amérique, mais ça reste un biopic et c'est quelque chose auquel il est régulièrement revenu, en fait. Là, par exemple, son prochain projet, c'est un biopic de Maria Callas. J'avais bien aimé Jackie. C'est pas le meilleur film de Chan, mais c'est pas mal. Jackie Chan. je l'explique des fois que... Ouais. Après, il avait déjà fait un thriller avec son premier film, Fuga, mais ça a l'air aussi très orienté dramatique, et avec Hell Club, mais c'est pas le truc auquel on pense en premier en pensant à lui. Depuis, par contre, il est retourné au film de genre, puisque en 2023, il a fait un film dans lequel Pinochet est un vampire, voilà. A priori, ça a pas des super bonnes critiques, mais ça me rend un peu curieux quand même. Bah, du coup, il affronte Abraham, alors. Ce serait drôle. En interview, il dit qu'au départ, il a eu du mal à se plonger dans le monde fantastique et il aurait voulu ancrer plus le film dans le réel, et que c'est King qui l'a invité à vraiment embrasser la dimension fantastique en disant que ça rendrait le drame plus fort au final. Oui. De manière intéressante, alors sans développer particulièrement, mais dans une interview, il dit aussi se sentir concerné par le sujet du souvenir qui est très présent, parce qu'il peut relier ça à l'histoire du Chili, et selon lui, le pays, le Chili, doit affronter son passé, notamment tout ce qui s'est passé autour de Pinochet, pour pouvoir évoluer dans une bonne direction, en gros faire le deuil, admettre ses fautes, admettre les problèmes, les trucs qui vont pas, parce qu'effectivement l'histoire de Lissy, on l'a pas dit, mais c'est pas un mariage totalement harmonieux, même s'ils s'aiment tout du long. Oui. C'est aussi ça qui est assez beau, et selon lui c'est une bonne métaphore de l'histoire du Chili ou de n'importe quel pays, en réalité ça peut être étendu. Oui. Et il a été victime, comme beaucoup de monde, de l'humour de King, parce que quand il lui a rendu visite pour visiter son lieu de travail et discuter du projet avec Lee, King l'aurait laissé dans une petite maison pour les invités, en lui disant « Tu es actuellement mon seul invité, mais ça ne veut pas dire que tu es seul ici. » Avant de le laisser pour la nuit sans dire un mot. Voilà. Au casting, il y a du sacré beau monde qui est réuni tout de même. Donc, Julianne Moore dans le rôle de Lissy, on a déjà parlé d'elle puisqu'elle jouait la mère de Carrie dans le film de Kimberly Pierce. Donc, on avait déjà dit tout le bien qu'on pensait d'elle. Oui. Scott est joué par Clive Owen, qui arrive assez lentement au cinéma dans les années 90, mais c'est encore assez lent. Il a fait du théâtre avant, peut-être qu'il joue encore à cette époque. Et c'est dans les années 2000 qu'il va commencer à trouver des rôles importants en second rôle chez Robert Altman ou dans La mémoire dans la peau. Avant d'accéder au premier rôle, en premier rôle, on peut citer Le roi Arthur d'Antoine Foucault. Bon, j'en suis pas fan, mais c'est quand même un gros film. Oui, effectivement. Les Fils de l'Homme, là, oui. Par contre... Excellent là, film. Énorme film, le fils de... Ouais. Shoot Them Up. Shoot Them Up, que moi j'aime beaucoup, qui est un petit film, oui. Mais que moi j'aime beaucoup, qui est un actionneur assez débile. Ah, dans la pure tradition des bonnes grosses séries B des années 80-90. Ouais, mais bien mené, avec un personnage très simple, ça tire quasiment tout du long, avec des scènes d'action très imaginatives. Oui, clairement. Et bah, si vous êtes curieux, il y a c'est Fry 3000, conneries sur VHS, qui a fait une vidéo très chouette dessus, oui. Qui remonte à il y a un moment maintenant, mais qui était très bien. Dans des plus second rôles, à l'époque, on le voit aussi dans Sin City et dans Inside Man. J'aime bien Inside Man aussi, de Spike Lee. Oui, de Spike Lee. Où il joue l'antagoniste, ouais. Il joue le chef des criminels dans la banque. Des cambrioleurs. Ouais. La suite de sa carrière, c'est vrai que je la connais moins, au final, vu qu'il a... J'ai moins eu l'occasion de voir ce qu'il a fait. J'ai noté qu'il a joué en 2001-2002 dans une série un peu étrange, une série publicitaire pour BMW, en fait, d'épisodes de 7-8 minutes tournant tous autour d'une voiture, donc d'une BMW. Lui, dans chaque épisode, joue le rôle principal du chauffeur. Et les réalisateurs invités pour réaliser les épisodes, c'est John Frankenheimer, Ang Lee, Wong Kar-wai, Guy Ritchie, Alejandro González Iñárritu, John Woo, Tony Scott et Joe Carnahan. Et plus tard, il y a eu un épisode fait par Neil Blomkamp, genre en 2016. Ça en fait du beau monde. Bah ouais, c'est ça, tu te dis, même si c'est de la pub, ça donne un peu envie de le voir, là, pour le coup. Il y a quand même du sacré beau monde. Ah oui. Et des gens de styles très très différents, donc, ah oui. Qui ont dû faire des choses, parce que j'imagine mal, par exemple, Wong Kar-wai a fait la même chose, que Guy Ritchie, tu vois. Oui, effectivement. Donc voilà, un acteur que j'aime bien et qui s'en sort très bien dans son rôle. Oui. Jim Dooley est joué par Dane DeHaan. Alors ça m'a fait rire parce qu'en faisant mes recherches, un des premiers trucs sur lesquels je tombe, c'est son parcours scolaire. Et j'ai découvert qu'il a été à l'école secondaire d'Emmaüs. Donc j'ai poussé les recherches parce qu'il existe réellement une école secondaire d'Emmaüs en France, qui est bien un truc géré par la communauté Emmaüs. Ah ouais, pour l'accès à la scolarité des personnes dans le besoin. D'accord. Mais donc non, lui c'est Emmaüs en Pennsylvanie, qui est un des comtés de la Pennsylvanie. D'accord. Voilà, mais ça m'a fait rire de tomber sur ça en fait. Ce qui lance sa carrière d'acteur, c'est Chronicle. Oui. Un excellent film dont on a déjà parlé, je crois. Oui, oui, oui. Un succès surprise, mais qui est vraiment... moi, je trouve que dans le style fun footage, c'est un de mes préférés, ouais, je pense. Un film de super-héros, fun footage. Ouais. Et ça va très vite le propulser, parce qu'il va avoir accès à pas mal de gros trucs. Notamment, il va jouer le bouffon vert dans The Amazing Spider-Man, donc celui... avec celui Garfield. De Mark Webb. Oui, voilà, avec Andrew Garfield. Oui, pas le chat. Ouais. Avec, il est dans un film appelé Life aux côtés de Robert Pattinson. Mais attends, mais du coup, dans Chronicle, si je me souviens bien, c'est celui qui part en couille. Oui. Voilà, d'accord. Ouais, ouais. Le mec est habitué au rôle de taré, quoi. Alors, il y a un film sur lequel j'ai pas fait de recherche parce que je préfère laisser mon imagination faire tout le travail, qui s'appelle Un ours et deux amants. Ah oui, effectivement. Voilà. C'est bizarre. Je vous laisse vous faire des images, envoyez-nous des fanarts, faites ce que vous voulez. Ne regardez pas le film, mais. Non, parce qu'ils vont faire des fanarts avec un ours, Poutine et Khrouchtchev, donc non. Bah si. Moi je prends même un fanart avec un ours, Poutine et Depardieu. Hein. Il a joué aussi dans A Cure for Life, qui est très mal reçu, alors que je l'aime bien ce film-là. Moi. De Verbinski. De Verbinski, ouais. Celui qui se passe dans le centre, dans l'espèce de centre de repos. Oui, mais je ne l'ai jamais vu. Bah il est cool, il est très beau visuellement. Alors le scénario effectivement est plein de failles, faut admettre. Faut une grosse suspension consentie de l'incrédulité pour admettre un film fantastique, légèrement horrifique, assez débile. Mais ouais. Je trouve qu'il est vraiment cool, moi. Il y a une chouette ambiance et il est très très beau visuellement. D'accord. Et je crois que c'est le dernier film réalisé par Verbinski actuellement, parce qu'il n'a pas du tout marché. Et plus récemment, il a joué Valérian dans le Valérian de Besson, mais comme le personnage est très mal écrit, c'est insupportable. Ouais. Mais c'est pas tellement de la faute de l'acteur. Et cette année, dans Oppenheimer et dans Dumb Money, qui me rend curieux, Dumb Money, pour le coup. Sur des gens qui essaient d'arnaquer... Enfin, de profiter du CAC 40 de la bourse en partant de rien, en s'associant à plein pour acheter des trucs et où ça montre que si on n'est pas déjà riche de base, jamais on nous laissera jouer à ce jeu, en fait. Apparemment, il est très bien. Donc, elle n'a plus que deux sœurs, cette fois-ci, Lizzie. Donc, celle qui sombre dans la folie, c'est Amanda, qui est jouée par Joan Allen, qui est une actrice aussi très active au théâtre. C'est pour ça, en fait, qu'elle a une filmographie, au final, plus réduite que ce que j'aurais cru. Parce qu'elle a toujours continué à être sur les planches, mais elle est dans des films comme Nixon, Volteface, de John Woo, qui est excellent, la saga Jason Bourne, Death Race, de P.T. Anderson, qui est un film que j'aime bien. D'accord. Avec Jason Statham, oui. Tu l'as vu? Bah, c'est le remake de La Course de la Mort de... Ouais, c'est ça, avec Carradine. De Corman. Ouais, voilà. Qui est un film concon, mais fun. Oui, oh, c'est voilà. Ça. C'est comme ça qu'on peut le décrire. Bah, le Corman aussi, hein, mais... La limitation de budget, oui. Fait que... Voilà. C'est ça. Voilà, fait que c'est un peu plus pénible quand même. Bah, et puis j'aime bien Statham, donc ça favorise aussi la version où il est pour moi. Statan. Darla, l'autre sœur, est jouée par Jennifer Jason Leigh, pardon, qui a été populaire très jeune, parce qu'elle est vite dans des films comme Ça chauffe au lycée Ridgemont, qui est quand même un bon succès, La chair et le sang, de Verhoeven. Donc ça lui fait accéder au succès assez jeune. Elle continuera à jouer. Elle est quand même pas mal orientée au cinéma un peu d'auteur, quand oui. même si elle n'a pas fait que ça, elle est dans Backdraft aussi. Donc elle est dans Le Grand Saut des frères Cohen, dans Existence de Cronenberg, pour le coup j'adore ce film. Ah oui. À quel film de Cronenberg on n'aime pas? Oui, c'est vrai. Voilà, ouais. C'est ça la question surtout. Dans In the Cut de Jane Campion, Les Sentiers de la Perdition, Les Huit Salopards plus récemment, où elle a un très chouette rôle aussi. Ouais. Et nous, on la reverra dans Dolores Claiborne, puisqu'elle a aussi un des deux rôles principaux. Elle joue la fille de Dolores. Oui, de Dolores. Donc on est déjà sur du sacré acteur avec ça, et même dans les rôles secondaires. Alors bon, je le mentionne surtout parce que, par tendresse pour la famille, dans le rôle du policier Dan Backman, il y a Sung Kang, qui est Han dans les Fast and Furious. Oui. J'espère que tu l'avais reconnu, oui, j'espère que entendu. Tu reconnais la famille quand tu la vois. Bon, sinon, il n'a pas fait grand-chose de sa carrière. Il est surtout dans les seconds rôles. Apparemment, il a un rôle dans certaines saisons de Power qui est un peu important. Mais voilà, c'est surtout Han de Fast and Furious. Le personnage qui ne meurt jamais. Bah, sauf là. Oui, sauf... Non, il sortait ici, oui. Sauf ici. Celui qui joue le père Andrew London, c'est Michael Pitt. Alors, c'est rigolo parce que quand j'ai vu sa photo sur Wikipédia où il a 10 ans de moins que dans Histoire de Lycie et où il est un berbe, je me suis dit, ce mec-là, il aurait la gueule pour jouer Kurt Cobain. Et un des premiers trucs sur lequel je tombe dans sa filmographie, c'est Last Days de Gus Van Sant, oui, où il joue pas Kurt Cobain, mais l'équivalent de Kurt Cobain. Oui, voilà. C'est pas un biopic à proprement parler, mais c'est lui, quoi. Donc, oui, quand on voit sa gueule, je trouve que le choix de casting est assez évident. Mm. C'est aussi un des deux agresseurs dans la version US de Funny Games de Haneke, qui moi est un film que je n'aime pas du tout. J'ai jamais vu la. J'ai vu la version originale, mais j'ai jamais vu la version. J'aime déjà pas du tout l'original. Mm-hmm. Voilà, Haneke, c'est particulier. Ouais, pour le coup, Funny Games, j'ai du mal à ressentir ça autrement que comme un vieux con qui se plaint. Bah, un peu comme Tueur Né de Stone. De Stone, je trouve que c'est des films de vieux cons qui se plaignent de la jeunesse qui est toujours devant les écrans, etc. Oui. Oh, vos gueules, putain. Alors que eux-mêmes. Gros films de boomer, quoi, je trouve, tous ces trucs-là. Et puis surtout qu'eux-mêmes ont passé du temps devant des écrans aussi. Hein. Bah, ils en font, quoi. Enfin, c'est leur métier de faire des trucs. Et les deux sont. On va pas se mentir, les deux ont quand même un rapport à la violence. Assez racoleur, donc non, c'est vraiment pas les mieux placés pour parler de ça. Quoi. Surtout à Nuke pour le coup. Oui, oui, oui. Il joue aussi dans Ghost in the Shell, le film avec Scarlett Johansson, il joue l'antagoniste principal. Bon, après, c'est pas un très très bon film. Mais que je n'ai toujours pas vu. Il est vraiment dans un rythme bâtard entre le rythme soutenu d'un blockbuster et celui très lent des films de. Des films d'animation, films de Wuxi. Et le souci, c'est que comme il assume aucun des. Comme il va à fond dans aucun des deux, il est dans un entre-deux qui marche pas très bien, je trouve, rythmiquement. Par contre, il est très très beau visuellement. Ouais, et donc du coup, autant se contenter du tout premier film Ghost in the Shell, quoi. Bah, moi, j'adore le deuxième de Mamoru Oshii. Bah, c'est pas un mauvais film, mais je trouve qu'il se perd un peu en philosophie. Ça fait un peu branlette par moment, je trouve. Ah oui, moi, complètement. Mais comme pas mal de Mamoru Oshii tardif. Mmh. Hein. Mais moi, j'aime bien cette dimension chez lui, justement. Par contre, je trouve intéressant de le voir se branler, écoute chacun son truc. Hein. Par contre, le deuxième est d'une beauté. Enfin, déjà, le premier est, ouais. est visuellement incroyable, mais alors le deuxième. Ouais, et la musique est géniale aussi dans le 2. Enfin, c'est vraiment un film auquel il faut donner sa chance, même si vous vous ennuyez devant, il y a plein de trucs à au moins visuellement à prendre. Ouais. Au moins visuellement, ouais. C'est quoi c'est Innocence Ouais, c'est ça. Et Andrew London joue aussi Mason Verger, donc le rôle du méchant dans la saison 2 de Hannibal, qu'on voit aussi dans le film Hannibal de Ridley Scott. Oui. Celui qui est mangé par les cochons. Oui. Une mort bien, bien horrible. Ouais. Et dernière mention pour l'hommage, Dash Mills, qui regroupe tous les professeurs pour le coup dans le film, est joué par Ron Cephas Jones, qui est décédé en août dernier. Ouais, qui nous a quitté cette année. Surtout un acteur de série, donc This Is Us, Mr. Robot ou Luke Cage. Donc moi je le connaissais mal vu que j'en regarde peu de séries, mais ça avait l'air d'être un bon gars et un bon acteur. Mmh. Oh bah pour le coup, même dans lycée aussi, il joue très bien. Oui. Nous allons fermer, monsieur. Dans une minute. Quand Scott Lambdon était enfant, c'était son livre préféré, vous le saviez. J'ai enfin eu l'occasion de le lire. Non, je ne le savais pas. Vous deviez forcément le connaître, pas vrai? Il a payé cette bibliothèque, non? Je lui ai parlé, certes, mais je connaissais plutôt sa femme, Lisa, Lissy. Elle venait ici bien souvent. Elle faisait parfois la lecture aux enfants. En fait, je crois que c'est elle qui a financé... Non, il venait de lui, le pognon. Hein, d'ailleurs, tout venait de lui, madame. Ben, je suppose, oui. D'une certaine manière. Y a pas de manière qui tienne. Tout venait de lui. Il avait 4 ans. Ça lui a appris le pouvoir de l'imagination. C'est très intéressant. Le pouvoir de l'imagination, songez-y. Une graine a été plantée et quelque chose a poussé. Vous savez comment je l'ai su? Grâce à mon ami professeur qui connaît absolument tout sur Scott Lambdon. Il s'appelle Dashmill, c'est un drôle de nom, il pourrait apparaître dans un des livres de Scott. Si je l'appelle Scott, c'est parce que je crois le connaître. C'est à leurs fruits que vous reconnaîtrez ces hommes. Monsieur, je vais vraiment devoir fermer, alors. Dashmill. Dashmill, et quand on enlève le dé de Dash, alors ça fait H-mille, H dans le mille, comme le bûcheron qui lance sa hache dans le mille. Vous savez, vous devriez mettre ce bouquin quelque part en évidence. Avec une jolie plaque en dessous. Qui dirait Scott Lambdon a commencé avec ça. La direction artistique, où il y a un sacré boulot sur cette série, c'est Guy Hendrix-Diaz. Donc un sacré CV aussi, puisqu'il est sur des trucs comme X-Men 2, Les Frères Grimm, Indiana Jones 4, Superman Returns, Agora, Passenger, Casse-Noisette et Gemini Man. Donc pas que des bons films que j'ai cités, mais que des films plutôt jolis, même Passenger que j'aime pas. La direction artistique, elle est bien. Passenger, c'est le film avec Chris Pratt. Passengers, c'est avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, ouais. Je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu beaucoup de mal. Oui, niveau relation Paxen, oui, il pose vraiment problème. Voilà, apparemment c'est quand même très toxique, alors que c'est pas montré comme étant toxique, quoi. Bah, c'est ça. Donc bon, du coup ça m'a toujours rebuté à le regarder. Par contre, là, dans ce que j'ai cité, je les ai pas tous vus, j'ai vu les images, mais Les Frères Grimm est excellent. Oui, de Terry Gilliam. Ouais, et Agora, j'adore ce film-là aussi. Et Agora, pareil, je ne l'ai pas vu alors que je vois le DVD juste devant moi. Il est vrai, il est très cool, par le réalisateur de Amenabar. Donc Amenabar qui a fait aussi Mare Adentro, qui a fait beaucoup de T6, choses. Et comment il s'appelle, Abre los ojos. Ouais. Qui sont d'excellents films, et Agora traite très bien de thèmes autour de l'extrémisme, enfin de la religion et de la superstition. C'est un très très beau film, et visuellement il est magnifique. Donc c'est quelqu'un qui a un sacré CV, et ça se voit, je trouve, dans l'histoire de lycée, il a fait un sacré boulot. En interview, il dit que pour le bassin, il a cherché à obtenir quelque chose d'assez simple, avec une atmosphère mystérieuse et un peu religieuse, qui semble remonter à des temps presque immémoriaux, comme si ça pouvait naturellement faire partie de l'imaginaire de tous les persos. C'est pour ça qu'il part sur un amphithéâtre avec un peu inspiration antiquité grecque ou romane. Oui. Et il ajoute des éléments d'ancienne culture sud-américaine sur suggestion de Pablo Larraine, qui pour ajouter sa touche perso, et ce qui souligne encore plus l'aspect mystérieux que ça semble venir de partout et de nulle part à la fois. Ah, c'est très réussi. Ouais. Il va aussi être inspiré par l'importance de l'eau dans la série pour accéder à Nayalune, puisqu'il va multiplier les évocations de cet élément dans le décor. Donc soit va y avoir des éléments liquides à proprement parler, avec des bassins, des aquariums, tout ça, soit des tableaux qui vont figurer des scènes marines, soit des objets qui peuvent évoquer l'eau et la mer. Donc il y a un gros travail là-dessus, et même les plantes de Nayalune, il s'est pas mal inspiré d'algues et de planctes aquatiques, de corail, etc. pour les faire. Oui, comme si on était toujours dans un milieu un peu aquatique. C'est comme si les personnages évoluaient dans un aquarium géant. Ouais, c'est tout à fait ça. Et pour l'atelier de travail de Lambdon, évidemment il s'inspire de l'atelier de travail de King. Oui, ça. Coup, il est allé au plus simple. Oui. À la photo, ils se sont payés Darius Kondji, donc autre très gros nom de la direction photo. Ouais. Donc qui est français, enfin franco-iranien, mais qui a débuté sa carrière en France. Le troisième long métrage sur lequel il travaille, c'est Delicatessen, donc ça fait pas mal en début de carrière. Effectivement. Et il suivra Jeunet sur La Cité des Enfants Perdus et Alien Resurrection, qui sont 3 films magnifiques visuellement, surtout La Cité des Enfants Perdus, je trouve. Et puis même pas que visuellement, moi c'est 3 films que j'aime beaucoup. Ah oui, moi aussi. Oui, oui. Encore une fois, surtout La Cité des Enfants Perdus, je trouve que c'est le meilleur des 3. Oui, Mais les trois sont très bien et ils sont bourrés d'idées. Il travaille avec Fincher sur Seven et Panic Room, qui sont des films beaux, même si j'aime pas Panic Room. Ah, j'aime bien Panic Room. Je trouve qu'il est un film pas extraordinaire, hein, mais je trouve qu'il fait bien le boulot. Oui, non, bah, je peux comprendre Panic Room pour le coup. Seven, j'aime bien, par contre, on en a déjà parlé. Seven, par contre, ça, ouais. C'est vraiment un classique du thriller. Hein. Il a travaillé plusieurs fois avec Woody Allen sur Anything Else, que personne connaît, mais qui est pas mal. Sur Minuit à Paris, sur To Rome With Love, Magic in the Moonlight et L'Homme Irrationnel. Donc, pareil, notamment Minuit à Paris, il y a une super belle photo. Minuit à Paris, c'est celui avec Owen Wilson ? Ouais, celui qui se passe en partie dans les années 30. Ouais, il est très bien. Ouais. Il a travaillé avec Haneke, justement, sur Funny Game US et Amour. Mm-hmm. Avec James Gray sur trois de ses derniers films, The Immigrant, The Lost City of Z et Armageddon Time. Ouais. Moi, là, le seul dont je me souviens bien niveau photo, c'est Armageddon Time, qui est effectivement magnifique. Bah, Lost City of Z aussi, là, oui. Hein. Ouais, ouais. Mais oui, Armageddon Time. Après, le film, on l'a découvert, il est sorti l'année dernière, c'était en 2022. Ouais. C'est un film de 2022, Armageddon Time. De fin 2022, donc c'est pas si vieux que ça dans nos esprits, mais oui. Un putain de film. Hein. Armageddon Time, encore une fois... Bah et puis pour le coup, en plus, niveau éclairage et compagnie, c'est pas forcément simple de trouver la photo adaptée quand tu fais un truc très... Quand c'est sur un film aussi terre-à-terre, au final. C'est vrai que il faut retranscrire un sentiment de tristesse via la photo qui est en même temps de légèreté. Elle était très bien bossée. Mais ouais, enfin, de toute façon, James Gray, c'est toujours très très bien, quoi qu'il en soit. Mais Armageddon Time, c'est un putain de rôle de Hopkins, surtout, il est incroyable dedans. Oui, surtout que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans des trucs foufou. Donc ça faisait plaisir de le revoir dedans, il est très beau. Il y avait quand même eu The Phaser, hein, quelques années avant, qui avait... C'est vrai, mais je l'ai pas vu The Phaser, moi. Ah, il est bien. Donc je l'oublie, mais effectivement, il y a eu ce film. Ah, il est très très bien, ouais. The Phaser. Sinon, on peut citer plus en vrac La Neuvième Porte, qui est réalisé par Polanski, mais qui est quand même un film très beau visuellement. Oui. Et plutôt cool. My Blueberry Nights de Wong Kar-wai, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. Uncut Gems des frères Safdie, que moi j'ai moyennement aimé, mais qui est pareil visuellement intéressant. Et c'est lui qui a fait Okja et qui fait le prochain film américain de Bong Joon-ho, Mickey 17. Oui. Que j'ai hâte de voir. Vu que Mickey est tombé dans le domaine public maintenant. Ouais, c'est ça, il a bien prévu le coup. Hein. Puis Robert Pattinson dans le rôle de Mickey juste après Batman, ça va le changer en plus. C'est. Ah la vache. Déjà incroyable aussi. Hein, voilà. Oui. C'était juste pour glisser ça. Oui. Un Bong Joon-ho incroyable. Et Mickey 17, vraiment, j'ai hâte de voir. Parce que Pattinson plus Bong Joon-ho, c'est quand même quelque chose qui fait un peu rêver, je trouve. Le tournage de la série débute en octobre 2019 et est interrompu quelques mois plus tard, le 13 mars 2020, à cause du confinement. Oui. Il y a eu un petit événement mondial. Voilà, c'est ça. Julianne Moore termine de tourner ses scènes en septembre 2020. J'ai pas trouvé la date exacte de l'arrêt du tournage, mais j'imagine que c'est... pas longtemps après, au pire, parce qu'il n'y a quand même pas tant de scènes que ça où elle n'est pas. Donc, oui. Donc je pense qu'une fois qu'elle a terminé, le reste prend pas interminablement longtemps. Ou alors, vraiment, ils ont tourné aucune autre scène avec les personnages secondaires tout seul. Ouais. À mentionner le très beau générique. Oui. Réalisé par Karine Fung, donc qui est c'est son métier, plus ou moins, en fait. Elle est réalisatrice de générique. Elle a fait celui de Spider-Man No Way Home que je suis allé voir et qui est cool, ouais. Qui est sous forme de dessin. Oui, oui. Le film est nul à Yesh, mais... Oui, en même temps, faut pas trop demander à Marvel. Voilà. C'est déjà bien, un beau générique. Au moins, ils ont pas demandé à Inia de le faire, celui-là. C'est vrai. Elle est sur City on Fire, une série, j'ai regardé pareil le générique, qui est très beau, sur Mimic et Hellboy, pour Del Toro. Pour Del Toro. Black Sails, la série, et Cowboy Bebop aussi, la série live. Ah, donc ouais. À chaque fois j'ai regardé, c'est des séries que j'ai pas vues et c'est pas que des trucs qui ont très bonne réputation, mais ces génériques sont des travaux assez imaginatifs et vraiment beaux. Black Sails, c'était la série de pirates. Ouais. Ouais, le générique était top, je me souviens. Et donc elle a été nommée plusieurs fois à des Academy Awards pour ses génériques, parce que ça existe, cette Academy Award là, des meilleurs génériques de séries, c'est plutôt une bonne idée, je trouve. Ah oui. C'est vrai que c'est un truc très bossé souvent. On avait déjà parlé, je crois, en off, mais ça fait partie des choses comme les affiches de films qui sont pas assez mises en avant. Ouais, effectivement. Les génériques, les affiches, c'est des choses qu'on met rarement en avant alors qu'on devrait le mettre. Les affiches, ça l'est de plus en plus pour les alternatives, mais c'est vrai que les principales, c'est pas encore ça. Ou alors pour les anciennes où il y a les collectionneurs qui les recherchent. Oui, voilà. Sinon, le générique est co-réalisé avec Osbert Parker et les marionnettes sont créées par Henry Chang. Parce que du coup, c'est des vraies marionnettes. C'est des vraies marionnettes, voilà. Ouais. Il y a un tout petit making-of, il y a des vraies marionnettes, ils ont vraiment lâché les pages, même si après, il y a eu un travail d'effets spéciaux de recompositing, mais voilà. Il y a vraiment ça. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est des vraies marionnettes, alors que n'importe quel studio avec un peu de pognon aurait fait que de l'animation en 3D. Non, là, ils se sont sortis les doigts, comme on dit. Et donc, ce générique, c'est Lissie en marionnette qui, au début, est dans la lune, enfin, ouais. dans la mare. Elle est récupérée par Scott, ouais. en marionnette aussi. Ils dansent ensemble, mais Scott disparaît, transformé en page, en page d'histoire de Lissie. T'en vois une où t'as le titre du roman avec Stephen King qui est mentionné. Et quand Lissie essaie de le rattraper, elle attrape une pelle. Ses cordes sont coupées. Oui. Et quand ça remonte, on voit qu'il y a une main qui tient des fils, une main en marionnette aussi. Ouais. Donc, pas mal axé sur l'idée de des traquenards qui vont se lancer, de la relation avec Scott, de Scott écrivain, et de la manipulation de Lissie qui prend le contrôle de sa vie avec ses cordes qui se font couper au final, où elle doit se relever. C'est un très beau générique. C'est un générique qui te met les grandes lignes de la série. Ouais, pour le coup, ça, c'est une grande réussite. En plus, la musique est vraiment cool, je trouve. Ouais. Très, très beau générique. Le compositeur, justement, il se fait appeler Clark. Donc, c'est un compositeur qui, à la base, fait pas forcément des trucs pour le cinéma. Il a fait beaucoup d'albums comme ça, de son côté, d'albums perso. Mais c'est pas sa première BO non plus. Il a fait celle d'un film d'horreur appelé Daniel Isn't Real, ce qui apparemment a amené Pablo Larraine à l'appeler. Il y a des trucs intéressants dans son travail, avec beaucoup de pistes d'ambiance à base de nappes électroniques et quelques intrusions plus thématiques ou l'utilisation d'instruments, mais qui ont l'air toujours un peu torturés, notamment d'un violon dans certaines pistes. Donc dans le contexte, elle marche bien. Après, c'est vrai que je trouve qu'elle manque un peu de cohérence narrative. Oui. Mais c'est quand même une BO sympathique. La série est dédiée à Mark Celemon, qui était responsable de la végétation dessus. Voilà. D'accord. Parce que c'est un travail. Un travail important. Et qui est décédé avant la sortie de la série, d'où le fait que le premier épisode soit dédié à sa mémoire. D'accord. Elle est diffusée à partir du 4 juin 2021 pour les deux premiers épisodes, et après il y a un épisode qui est mis chaque semaine sur la plateforme jusqu'au 16 juillet. Elle reçoit un accueil critique mitigé. Dans l'ensemble, la performance du casting, surtout de Julianne Moore, est vantée, mais j'ai trouvé des cas contraires aussi qui disent que c'est pas ouf, même niveau jeu. Ah bon ? Là, pour le coup, j'ai du mal à être d'accord. Ah oui. La direction artistique, quand elle est évoquée, l'est favorablement, pour le coup, ça, à chaque fois. Mais il y a pas mal de critiques qui soulignent les problèmes de rythme et un scénario alambiqué qui se perd dans beaucoup de sous-intrigues et au final, on se fait un peu chier, en résumé. Elle a actuellement 2,7 étoiles sur Allociné, ce qui la place 32e de ce qu'on a fait à égalité avec 1922, Cujo, Running Man, Les Démons du Maïs 4, Firestarter sous l'emprise du feu, Les Ailes de la Nuit et Vengeance Diabolique. Par curiosité, je suis allé voir, nous, tous ces trucs-là, sur quelle surface ça s'est allé dans notre classement à nous. Et donc ça s'étale de la 8e place pour Cujo à la 60e pour Firestarter. Voilà. Ah vache. Et 53% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la place 27e entre La Part des Ténèbres et Le Cimetière de Marie Lambert. Ok. King, il en est satisfait, forcément, vu qu'il est impliqué dessus en tant que scénariste et qu'il est régulièrement allé sur le tournage, il a vu les décors, il les a validés et compagnie, donc évidemment il en est satisfait de celle-là. Je suis allé à Naya Lune. J'étais à l'aéroport quand j'y suis allé. J'y suis retourné. C'est toujours bloqué. Il n'y a aucun accès au bassin. Tu dois réessayer. Il faut que tu réessayes. Réessayes. Toi et moi, Lissie. Toi et moi. Ma chérie. Je t'aimais plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime, s'il te plaît, arrête de parler. Arrête de parler. Je t'ai perdu dans le noir. Je t'ai perdu. Accroche-toi. Accroche-toi. Et on va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse commencer. Bah écoute, l'adaptation de l'histoire de lycée, c'est bourré de bonnes choses. Je vais même aller directement à l'essentiel. Il y a surtout deux problèmes majeurs pour moi à l'adaptation. C'est le rythme, qui est vraiment tout bonnement catastrophique à certains moments. À certains moments, vraiment, c'est vrai, on se fait chier. Parce que tout est long, tout est étiré. Alors que, apparemment, il n'y avait pas nécessité de le faire. Et mon autre gros souci, on l'a évoqué un peu, c'est le traitement de Dooley. Qui est une catastrophe ambulante. Ils ont transformé un personnage un peu quand même travaillé et profond en espèce de psychopathe écrit par un enfant de 12 ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Dooley, c'est incroyable de rater un personnage à ce point-là. Mais vraiment, le plus gros souci pour moi, c'est le rythme. Les deux premiers épisodes sont remplis de bonnes choses, et vraiment à partir du 3 jusqu'au, allez, disons 5, bah franchement, on se fait un peu chier. Oui, parce que j'ai noté que le 6ème, c'est peut-être le 6ème mon préféré, moi. Et je pense que c'est à partir du 6ème où ça se réveille. Ouais. Et il y a des moments, vraiment, pour rester sur le rythme, qui sont beaucoup trop longs. Il y a des scènes à elle toute seule qui s'étalent sur un quart d'heure, c'est trop. Ouais, et on peut pas mettre en accéléré sur le lecteur d'Apple. Non, en plus. J'ai essayé. c'est dommage quand même. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est les deux plus gros soucis, c'est le rythme, le traitement de Dooley, et peut-être, tu l'as évoqué juste avant, la BO qui est bonne, mais il y a toujours un petit truc qui manque, en fait. Oui, mais pour le coup, on a eu des BO beaucoup moins bien que ça, donc surtout sur les trucs télé. Voilà. Donc à la limite, ça, je le critique pas trop. Et je peux comprendre les critiques sur le scénario un peu alambiqué qui part partout. Je l'ai peut-être pas ressenti comme ça, mais c'est une série télé, c'est une adaptation. Est-ce que je l'ai pas ressenti comme ça parce que, connaissant du coup l'œuvre originale, j'ai pas été perdu parce que je la connais, parce que je sais le déroulement de base. Ouais. Et est-ce que justement j'aurais trouvé ça alambiqué et totalement confusant si je n'avais pas lu le roman, c'est ça. Là, c'est compliqué, d'autant que bah, toi comme moi, moi je l'ai relu. Voilà. On l'a lu très proche du visionnage. Et donc c'est compliqué de juger. Ouais. Maintenant que tu le dis, je pense qu'effectivement, si tu es totalement vierge de l'intrigue de base, ça peut être confusant par moments. Même si je trouve que là, il y a déjà des bonnes idées qui sont amenées par le montage, puisque va y avoir pas mal de flashbacks. Ça va reprendre l'idée des flashbacks imbriqués. Et notamment, plusieurs fois sur les derniers épisodes, on va avoir des successions rapides de bouts de dialogue de précédents épisodes. Mmh. Où un sens nouveau va se reconstituer une fois que Lycie a les différentes étapes. Oui. Et c'est comme si le montage cherchait à reconstituer un peu bah, l'avancée dans le traquenard de Lycie. Oui, ça, je trouve que c'est quand même une bonne idée de l'utilisation bah, du montage pour transmettre quelque chose. Ouais. Effectivement, l'utilisation de l'eau, ça donne lieu à de très bonnes idées, surtout que c'est quand même plutôt absent du roman, enfin, à tel point... Oui, dans la série. C'est peut-être un peu évoqué, mais c'est pas très présent, non. Alors que là, c'est vraiment une bonne idée, ce rappel à l'élément aquatique quasiment présent dans tous les épisodes, en fait. Oui, puisque là, il y a l'idée que pour accéder à Nayalune, il faut avoir une source d'eau à proximité, donc soit ouvrir des robinets, soit qu'il pleuve, ça marche aussi, enfin, il faut qu'il y ait de l'eau. Oui, ça sous-entend que l'eau t'aide à t'élever, en fait, vers Nayalune. Ouais. Ce qui crée tout un jeu autour de la piscine de Lycie qui n'est pas vraiment dans le roman. Piscine qui est à chaque fois que, sur tous les premiers épisodes, quand la caméra est sur elle, on voit un reflet de Nayalune. Oui. On voit une lune rouge, sanglante, s'élever avec la végétation de Nayalune tout autour. Ouais. C'est très joli. Et globalement, on peut le dire, pour poursuivre le fait que ce soit très joli, tous les décors sont très jolis. Oui. Vraiment. Sélection des décors et les décorateurs ont fait un travail incroyable. Bah, les décors et la photographie sont les deux sont magnifiques. Surtout qu'il y a un sacré travail, ouais. Et surtout qu'il y a beaucoup de décors réels et ça fait plaisir. Oui, bah effectivement, encore une fois, hein, même Nayalune a été en grande partie reconstituée en dur. Hein. Tu peux voir des vidéos des équipes dans les décors. Donc ça, c'est cool d'avoir fait ça. Parce que quand tu regardes une adaptation, t'as forcément des craintes sur toi, ce que t'imaginais. Et il y a des moments où tu fais waouh. Typiquement, l'arbre Miam Miam, ouais. Il est magnifique. Visuellement, ça rend super bien ce qu'ils ont fait. Ouais, il a un aspect un peu cristallin, qui est, oui, c'est ça. Qui est un peu fantastique en fait déjà. Avec quand ils sont sous l'arbre, du coup, les racines qui ressortent, ça fait des petites nervures en fait, comme si l'arbre était vivant. Enfin, il est vivant, mais ça fait très organique en fait, le fait d'avoir refait sortir les racines de l'arbre. Bah, même la cour de l'enfance de Scott, celle où il vit chez son père. La ferme, c'est un joli décor aussi. Hein. Oui. Il y a vraiment eu un gros travail. Et oui, un vraiment gros travail aussi sur l'éclairage et compagnie pour faire de Nayalun un endroit totalement fantastique dans la manière de le représenter. Et dans les scènes dans le monde réel, d'adopter quelque chose de plus réaliste, mais où à plein de moments, on semble voir Nayalun qui se manifeste ou qui pourrait se manifester à n'importe quel instant. Oui. Il y a un truc forcément qui a disparu de cette adaptation, bah, c'est tout ce qui concerne le langage particulier qu'il y a entre Scott et Elise. Ouais. Ce qui est logique, je voyais vraiment pas comment ils auraient pu adapter ça. Bah, si ce n'est créer, reprendre le langage tel quel, mais je pense que en parler, ça aurait perdu de l'intérêt. Oui, je pense, ouais. C'est vraiment un tic de langage qui n'a un intérêt que de manière littéraire en fait. Heureusement qu'ils l'ont évacué. C'est pareil, je pense qu'avoir évacué le passage berlinois, on ne perd pas grand chose en fait. Ça va, c'est pas une grande perte. Oui, bon, c'était l'occasion de mettre des nazis, mais bon. Pour rester sur les différences, le fait qu'elle n'ait que deux sœurs, c'est pareil, on perd pas grand chose. Oui. Par contre, j'ai un peu plus de mal avec le traitement du coup de. Comment ça s'appelle déjà ? C'est Darla ? Alors, si Amanda, c'est celle qui devient folle, et Darla, c'est l'autre. Donc voilà, j'ai un peu plus de mal avec le traitement de Darla, qui agit... Mais sur les premiers épisodes, elle est franchement odieuse. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Mais comment ça c'est... Mm. Elle est odieuse, elle est... T'as l'impression que c'est le cliché, en fait, de la femme hystérique, qui ne peut pas s'empêcher de crier. Ouais. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pourquoi ? Clairement de la sœur toxique aussi. Hein. Oui, aussi. C'est vache. Heureusement... Par la fin, ça s'améliore, mais vraiment au début, elle est pénible. Quoi, tu dis, mais j'en ai marre d'elle. Vraiment. Ouais. S'il vous plaît, arrêtez. Surtout que du coup, la série ne prend pas le parti comme le roman de ne se dérouler que sous les yeux de Lisey. Donc on voit des scènes où les sœurs sont, où Amanda et elle sont toutes seules. Tu vois les scènes où Jim est tout seul, où Dashmi est tout seul. Voilà. Et c'était peut-être pas une bonne idée en ce qui concerne Doulet, par exemple. Bah, globalement, je pense pas que c'était une bonne idée. Je pense pas que le livre s'appelle Histoire de Lissy pour rien. Hein. C'est oui. Censé être centré sur Lissy et Scott. Et je pense que tout voir de leur point de vue à eux deux aurait pu être intéressant. Ah oui. Parce que tous les passages de Doulet, c'est poubelle. Hein. Ouais. Tous les passages où il est tout seul, c'est poubelle. Ouais, c'est... ouais. Bah, parce que oui, vraiment, comme tu disais, il joue le fan psychopathe très cliché. Bah oui. Et ça rajoute un truc incohérent, c'est que, à la limite, dans le livre, que le professeur n'ait pas vu tout de suite qu'il était taré et qu'au bout d'un an, c'était allé trop loin, il pouvait plus revenir en arrière ou il s'est pas rendu compte. Ok, dans la série, il est quand même, dès leur première rencontre, il est complètement fou. Ah oui. Donc le prof aurait dû se méfier, on se demande pourquoi la police n'est pas appelée plus tôt, notamment quand il va à la bibliothèque où il est déjà très bizarre. Il y a quand même un moment où, quand ils sont au bar... Il lui dit qu'il aime bien manger des trucs croustillants parce que ça lui rappelle le craquement des os humains, quoi. Oui. Tu dis, bah, il y a un mec qui me dit ça, moi je change de table tout de suite. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça. C'est comme le passage où... Qui aurait pu être une bonne idée ? Le passage où il va voir l'ancienne maison de Scott et Lisey. Tu te dis, oui, ça peut faire partie d'un pèlerinage un peu glauque. Mm. Donc, l'idée est pas mauvaise. Sauf qu'il est tellement barjot... Que le nouveau propriétaire, il ouvre la porte, mais direct tu le vois, tu refermes la porte en fait. Bah oui, voilà, c'est ça. Tu cherches même pas à discuter comme le mec le fait, quoi. C'est juste, je le vois, il est là en train de me regarder bizarrement, en train de manger des noix de cajou, là, bah, je rentre chez moi, j'appelle la police tout de suite. Je cherche même pas à réfléchir en fait. Il est trop psychopathe, il le joue beaucoup trop en fait. Pour le détail amusant, quand il va à la bibliothèque, le livre qu'il lit en disant que c'était le favori de Scott quand il était petit, oui. C'est Charlie le Chouchou, et en fait c'est un livre que King a réellement écrit sous pseudonyme, qui est en fait un élément, un livre pour enfants qui existe dans La Tour Sombre. Oui. et qui revient, je sais pas si tu l'as vu dans les tomes que t'as lu de La Tour Sombre. Non, je n'ai lu que le premier tome de La Tour Sombre. Mais je sais plus quand il était évoqué. Et on voit le vrai Charlie le Chouchou dans La Tour Sombre, qui est un train démoniaque. D'accord. Voilà, je crois que c'est dans le tome 3 qu'il y a tout un passage dans Charlie le Chouchou. Et donc voilà, c'était pour l'anecdote. Oui, effectivement, le truc, c'est que ces scènes n'apportent rien parce qu'on a très vite compris qu'il est fou. Et du coup, il n'y a plus rien à en dire derrière. Au final, chaque nouvelle apparition va juste nous dire oui, il est fou. Bah oui, voilà. Ça apporte pas d'informations supplémentaires. Se contenter de savoir qu'un mec est capable de tuer un animal et de l'enfoncer dans une boîte aux lettres, ça suffit à comprendre qu'il est fou. Oui, voilà. Pas besoin d'aller plus loin, quoi. Et puis, ça a ajouté l'idée qu'on savait pas où il était. Il y a aussi tout le passage où on voit mettre le feu à une grange pour pouvoir agresser l'ici, pour éloigner la police. Oui. Ce qui est évoqué aussi dans le roman, c'est évoqué qu'il le fait, mais pareil, là, on le voit trop faire, du coup, on le voit trop se préparer. Je trouve que ça enlève la surprise qu'il y aurait pu y avoir. Oui, parce que du coup, on anticipe sa présence. Ouais. Et je trouve pas qu'on l'anticipe de manière à créer l'angoisse. Je trouve que ça marche pas, pour le coup. Bah, c'est comme la tentative, enfin, c'est comme le piège à la fin, quand elle lui appelle, tu sais, elle lui envoie le message et tout. On le voit, en fait, derrière un arbre, écouter le message. Oui. Tu dis, bah, c'est bizarre, enfin, pourquoi ? Ça sert à rien de montrer le message enregistré et après lui qui écoute le message. L'une des deux suffit en fait. Faites un choix, mais mettez pas les deux. Pareil, les scènes entre Scott et Amanda, je pense qu'elles auraient été dispensables. Oui. Parce que je trouve en plus qu'elles clarifient trop tôt que la dimension fantastique existe bel et bien. Ouais. Et ça clarifie beaucoup trop que Scott a tout prévu. Oui aussi. Du coup, ça lui donne un côté un petit peu trop omniscient, je trouve. Mm. Tandis que ça aurait été mieux de le découvrir au fur et à mesure, j'aurais préféré, ouais. Et voilà. Donc, ouais, je pense vraiment que le choix de ne plus concentrer ça que sur Lissy, bah, ça rajoute peut-être en clarté au final, hein, quand même. Mais peut-être que si on était resté que sur Lissy et que ça avait été moins clair, au final, les personnes qui n'ont pas lu le roman se seraient peut-être moins plaintes parce que ça aurait été plus évident. Bah oui. Qu'il y a une volonté qu'on ne comprenne pas tout. Tandis que là, effectivement, ça fait peut-être tomber dans un entre-deux un peu étrange. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ouais, un peu bizarre. Mmh. Globalement, un des trucs, la différence majoritaire de la série avec le livre, c'est que les deux sœurs vont être beaucoup plus impliquées, oui. Y compris Darla, en fait. Oui. Alors que dans le roman, c'est Amanda qui participe dans la deuxième moitié. Mais Darla, elle n'est jamais très, très concernée, elle est éloignée volontairement même. Oui, puisqu'il la met sur une fausse piste quand Lisa et Amanda fuient la clinique. Oui, c'est ça, ils lui disent de prendre son temps, il lui indique une mauvaise direction. Justement, exprès pour qu'elle ne soit pas impliquée au cas où ça tournerait mal avec Dooley. Ouais, tandis que là, tout le monde est au courant pour Jim Dooley et les trois veulent faire ça ensemble. Voilà. Et puis même, ils sortent même Amanda de manière très terre-à-terre de la clinique. Hein. Oui. C'est genre, oh bah elle est guérie, docteur, allez on y va. Bah, comment ça ? Jamais un médecin, en fait, laisserait partir une personne qui sort d'une catatonie aussi longue comme ça, quoi. C'est pas un très bon médecin, hein, tu sais, on dirait. Ouais. Clairement, il a pas l'air d'être le meilleur du monde. Effectivement, oui. Parce que oui, dans le roman, on l'a pas dit, mais c'est une évasion, en fait. Oui, bah, en fait, elle se téléporte voilà. En dehors de l'asile. Elles appellent derrière pour expliquer leur fuite en mode « Oui, bah, on est passé devant, il s'est rien passé. Le médecin est mis devant le fait accompli, donc là, il peut pas trop faire quelque chose. » Voilà, c'est ça, parce qu'ils sont déjà loin quand ils le contactent. Mm. Mais que les trois sœurs sont unies, ça donne des scènes sympas, après. Oui, bah, surtout dans l'épisode 6, donc celui de l'évasion. Je sais à quelle scène tu penses. Bah, quand la scène sous la pluie. Ouais, voilà. Qui est vraiment cool. En plus, encore une fois, très beau décor pour une scène d'une minute. Ils se sont fait chier, quoi. Ça donne envie d'y aller et de pique-niquer sur ce rebord de falaise. Ouais, mais un jour où il pleut pas, parce que... Oui, par contre, oui. Parce que là... Ce dingue aurait pu me tuer. C'est pas seulement que la lumière était allumée ou qu'il y avait de la vaisselle dans l'évier ou que ton pieu était défait. Il y avait des miettes sur le comptoir. Il y avait de la bouffe partout parce qu'il mangeait ta bouffe, Manda. Hein? Il s'est pris pour boucle d'or. Dans ma cuisine, il était chez moi, cet enfoiré. Chez moi? Il faut que tu flingues ce type. Il y avait une odeur, je sais pas si c'était ses aisselles ou ses pieds, mais ça puait. Dooley était là, il était là quand je suis allée chercher le flingue. C'est possible, je suis d'accord. Il était sûrement chez elle parce que c'est un abruti. Je suis sûre qu'il devait m'espionner, il devait être planqué sous le lit ou dans le placard. Il faut que tu le butes. Amanda, tu fais chier! Oh! Merde! Ici! Tu crois vraiment que tu peux le tuer? Ouais. Et aller balancer le corps sous cette lune, là. Oui. Je peux t'aider? Ouais. Ouais. Amanda. Ouais. Ouais. Amanda. Amanda. Tu veux bien nous aider à tuer? Ouais. Sans aucun problème, on va tuer Steve. On va se le faire, ce fils de pute. On va tuer ce sale fils de pute. Ce sale fils de pute. On va tuer ce sale fils de pute. On va tuer ce Effectivement, j'avais noté, même la confrontation entre Dooley et Lissy, elle est pas terrible, je trouve. Il fait, ouais, non, même là, il fait trop... genre, il a sa danse, son espèce de pogo bizarre, qui, ouais, ça marche pas. Ah, tu parles de... Oui, tu parles de celle-là, d'accord. Oui, effectivement, ouais. Il danse comme un dératé, là. Non, je pensais que tu parlais de, justement, de l'affrontement où elle veut l'amener à... J'étais un peu avant, effectivement. À Nayalune, qui lui aussi est raté et très brouillon, oui. Je trouve. Autant le plan pour l'amener, l'utilisation du phare... J'ai mes réserves, mais c'est au final une bonne idée. Ma seule réserve, c'est que ça sous-entendrait que le personnage aurait prévu qu'il s'amènerait avec des lunettes de vision nocturne. Mais bon. Oui, ou alors ça, on peut peut-être le prendre juste comme un hasard oui. Qui est là. Mais l'idée, par contre, qu'il se mette à pleuvoir de manière inexplicable dans la pièce pour permettre le transport à Nayalune, oui. Ça, c'est plutôt pas mal. Oui. C'est le combat en lui-même qui est très confus. Qui est très brouillon. Ouais. Ça fait très combat de... Bah, après, tu me diras, c'est des personnages... lambda, donc ça fait combat de cours d'école, quoi, mais... Oui. Oui, en soi, il y a une sorte de logique, mais vu qu'en plus il fait sombre et compagnie, je sais pas, il y a peut-être un souci de rythme, un truc qui fait que ça prend pas, en tout cas. Oui, le problème, parce qu'effectivement, on va pas faire une scène de kung-fu en appelant Sammo Hung pour chorégraphier, tu vois. Voilà. Bon. Même si j'aurais pas été contre. Hein. Oui, mais bon. Moi, j'aime bien quand il y a Sammo Hung. Ouais. J'aime beaucoup Julianne Moore, mais je suis pas sûr que Sammo Hung aurait été très satisfait de travailler avec des gens qui ne connaissent pas du tout le kung-fu, tu vois. Non, mais Clive Owen, oui, par contre. Ça lui aurait rappelé Shuzen Up. Ouais, effectivement. Il aurait fallu que Scott, le fantôme de Scott, débarque et fait du kung-fu. Et puis là, ça serait vraiment totalement parti en couille. Ouais, c'est ça. Ça serait devenu Kung-Fu Zora, on sait pas pourquoi. Dans les beaux moments de décor aussi qui évoquent un peu Nayalune, il y a l'hôpital où meurt Scott, la chambre d'hôpital où il meurt. Ouais. Où derrière, vu qu'il est en salle vraiment isolée, vu qu'il y a un virus et on ne sait pas quoi, il a été placé vraiment en isolation. Et derrière, il y a un mur avec des machines, on suppose, qui marchent derrière et qui font des lumières. Sauf que le mur est à moitié transparent et à moitié flou. Et donc ça crée un flou qui peut évoquer les lumières de Nayalune. Oui. Ça, je le trouve très bien, ce plan-là. Globalement, la scène de sa mort à l'hôpital est tout aussi touchante que dans le roman. Hein. Oui, effectivement, elle est très réussie. Voilà. Vu que les deux sont... vu que le couple joue très bien. Mm. Oui. Le décor d'ailleurs de la salle de conférence est réussi aussi. Parce que oui. Je trouve que justement ça renvoie au décor de Lamar. Puisque lui est sur l'estrade et t'as tout le public qui donc dans les gradins, ça fait... ça renvoie un peu au décor de Lamar. Oui, oui, c'est ça. En effet. Après je trouve sa mort un peu... je trouve que le côté spectaculaire est un peu trop poussé. Oui, il aurait fallu en faire un peu moins parce que sinon le faire mourir sur scène, pourquoi pas. Voilà, c'est le... Le dégueulis de jet d'eau, c'est un peu en trop, je trouve. Un des gros trucs à adapter et qui visuellement était assez périlleux, c'est évidemment le petit galon, et je trouve qu'il s'en sort très bien. Très réussi. Le choix qui est fait, c'est de s'éloigner beaucoup de la manière dont il est décrit dans le roman, puisque cette fois-ci, le petit galon, en fait, c'est effectivement un truc humanoïde gigantesque qui est constitué en fait de milliers d'autres êtres humains qui se sont amalgamés pour le constituer. Et quand il, en fait, là, clairement, il ne tue pas les gens quand il attaque. Il les absorbe et les gens deviennent une partie de son corps. Oui, parce que les gens sont encore vivants, ils se mouvent encore et tout. Ouais. C'est juste qu'ils sont figés à un endroit. Il n'y a pas une autre œuvre d'art qui avait déjà employé ça. Ça me dit vraiment quelque chose visuellement. Alors, moi, ça me rappelle un monstre de la série... comment s'appelle cette série? C'est une série horrifique de sci-fi où, en fait, chaque saison adaptait une creepypasta. Et en fait, il y a une des saisons où la créature, c'est une créature humanoïde, mais en fait, qui est uniquement constituée de dents humaines. Ouais. Et donc, c'est un personnage tout blanc. Donc, c'est une silhouette blanche que tu vois de loin. Et en fait, quand tu te rapproches, tu vois que c'est juste des dents les unes sur les autres qui forment une silhouette humaine. Et visuellement, ça rendait ultra bien et ça m'a fait penser à ça, moi. D'accord, moi ça m'a fait penser à autre chose, mais sans que j'arrive à remettre la main, le doigt dessus. Mm-hmm. Mais oui, effectivement, très bonne idée, très réussie, et qui transmet bien le truc déjà un peu présent dans le roman, mais sans confirmation, que peut-être le petit galon, en fait, c'est la somme des folies de tous ceux qui ont eu accès à Naya Lune, des folies et des rancœurs qui s'accumulent et qui créent cette espèce de monstre au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Dans un lieu qui était peut-être beau au départ. C'est l'accumulation des victimes de la crapoisse. Ouais. Sauf quand ils butent des gens qui n'ont rien à faire là, quoi. Comme oui. Dooley. Oui, même si Dooley, est-ce qu'il n'est pas un peu victime de la crapoisse? Oui, on peut se poser la question. Voilà. En fait, oui, la question est que la crapoisse, c'est la folie en règle générale, ou est-ce que c'est une malédiction propre au London? Bah, a priori, comme au moins il y a Amanda déjà qui a accès à la mare, oui. On peut supposer que la crapoisse aussi peut toucher d'autres personnes. On peut le supposer, en tout cas, mais oui. Là, effectivement, on n'a pas la confirmation. Pour le coup, ça, c'est cool, la série n'explique pas beaucoup plus de choses que oui, que et tant mieux. Tant mieux, on n'a pas des tunnels explicatifs d'un quart d'heure. Merci. Mmh. En effet, ça nous rajoute un mort, pour le coup. Dooley fait une victime dans la série. Un policier. Oui, qui était vraiment dispensable. Oui. J'ai pas compris pourquoi le tuer. Je sais pas. Il était très sympathique, le policier. Bah oui, c'était Han. Ah oui. Vraiment, Han, quand il monte dans une voiture, ça lui réussit pas, hein, quand même. Soit il y a Jason Statham qui l'attaque, enfin... Ah, faut qu'il se mette au vélo, le pauvre. Hein. Il va se mettre au vélo, il va se faire poursuivre par Bonne Poulevard. Effectivement, c'est l'autre risque. Bon, tant pis, écoute. Peut-être qu'il est destiné à mourir. Hein. Voilà. Donc ouais, en fait, on a réussi à évoquer pas mal de bonnes choses, parce que vraiment, si on se concentre sur l'aspect visuel, sur toutes les bonnes idées qu'il y a un peu partout, parce qu'il n'y a aucun épisode qui soit dénué de bonnes idées, c'est vraiment pas mal, parce que pareil, dans les bonnes choses, il y a la folie du frère, je trouve qu'elle est bien amenée, pour le coup. Mm-hmm. Bah, et même visuellement, sa transformation au fur et à mesure, le maquillage utilisé quand il est totalement possédé par la crapoisse, ça rend vraiment bien, quoi. Ouais, c'est ça. Le souci, c'est que, en effet, surtout les épisodes 3, 4, 5, mais je trouve déjà un peu le 2 et les 7, 8, il y a des gros soucis de rythme, en fait. Oui. Et ça plombe tout, au final. Bah, parce que c'est dur de prendre du plaisir à regarder, parce que malgré toutes les bonnes idées, il y a trop de problèmes de rythme partout. Mais il y a des moments entiers où c'est juste Lycée qui erre chez elle pendant 10 minutes, quoi. C'est trop, c'est beaucoup trop long. Surtout que vraiment, il y aurait eu moyen d'accélérer les flashbacks, les rendre, encore une fois, peut-être un peu plus cryptiques au final. C'est vraiment une série qui aurait gagné à ne durer que 4 épisodes. Je pense, ouais. Voilà. C'est ça, il aurait fallu qu'elle soit moitié moins longue pour forcer à resserrer, pour forcer peut-être à pousser encore plus loin le travail de montage un peu mystérieux. Oui, elle aurait gagné à être plus courte. Et en fait, ça aurait gagné à être peut-être un film de 3 heures. Hein. Oui, voilà. J'allais dire, maintenant que on commence vraiment à arriver dans une ère où maintenant on a lâché, on a totalement lâché les voiles et où les films de 2h30, 3h deviennent vraiment de plus en plus monnaie courante, bah effectivement, pourquoi pas se lancer dans des adaptations de King qui méritent d'être tout aussi longues. À une époque, je voulais bien que la durée des films rebute un peu les producteurs, mais maintenant on voit très bien qu'il y a des succès au cinéma, qui durent, qui sont des films longs. Alors après, qui sont vraiment des succès au cinéma, j'ai l'impression que c'est pas si fréquent que ça non plus. Oui, mais il y en a. Oui. Ce n'est pas impossible. Ouais. Après, il faut prendre les gens qui attirent aussi. Bah, oui. En succès, je crois que, par exemple, même le Scorsese, ça a été plutôt un bide. Mais Oppenheimer a fait bouger. Oppenheimer a fait bouger, oui. Il dure 3 heures. Oui. Après, est-ce que j'ai envie qu'il confie une adaptation de King à Nolan? Non, mais moi non plus, j'ai pas envie. À la limite, moi, je verrais bien comment Ari Aster travailler sur un King. L'anatomie d'une chute a fait bouger. Effectivement. Quasiment 2h40. Hein. C'est 2h30, ouais. Voilà. Tu vois. Et il y a un lien avec King, puisqu'il est mentionné dedans. Oui, c'est vrai, en plus. Putain, on pourrait même limite le traiter dans un argument à double tranchant, mais il est mentionné dedans. Très bon film, Tommy Lynch. Ouais, on vous le conseille. J'espère qu'il sera au César et qu'il repartira avec... Aux Oscars, tu veux dire? César aussi. Oui, effectivement, oui. J'avais pas tilté qu'il n'était pas encore... Ouais, bah j'espère, effectivement. Parce qu'il n'y a pas encore eu la nomination. Oui, oui. César. Mais oui, mais non, mais j'ai confondu parce que Sven Arlo a déjà eu un César et je le revois la scène où il ressort avec, mais c'était pas pour ça. Après, aux Oscars, c'est pas lui que là, qu'on a envoyé. Oui, mais bon. Plus oui. C'est ça le problème. Donc, après la fin de la série, encore une fois, bah, je trouve toute la fin avec le père un peu longue, mais plutôt jolie. Pour le coup, j'aime bien l'idée que le père décide lui-même. Volontairement. Il n'arrive pas à se suicider. Au départ, son intention, c'est de se suicider, de ne pas faire peser ça sur Scott. Mmh. Donc, il prépare un traquenard à Scott pour l'éloigner de la maison et il voulait se tirer une balle. Ouais, alors, du coup, quelqu'un qui a joué Kurt Cobain, c'est un peu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, je ne sais pas si c'est voulu, mais pour un acteur qui ressemble à Kurt Cobain, bon. Ouais. La manière dont ils font ça. Ouais. C'était peut-être. Mais du coup, il n'arrive pas à s'y résoudre et donc bah, il s'excuse auprès de son fils quand il n'est pas là. Et il boit d'un coup toute une bouteille pour tomber en coma éthylique et pour Scott puisse le tuer sans avoir le moindre souci. Mais du coup, ça, je trouve ça plutôt joli, mais un peu longué. Et par contre, la toute fin est assez réussie avec ce choix de finir la série sur la piscine. Oui. Sur le phare qui s'éteint, il y a ça. Mais après, c'est sur la piscine où, cette fois-ci, il n'y a plus rien qui se reflète. Oui. Pour vraiment manifester que ça y c'est est. Bon, l'ici, elle a réussi ancrée, à revenir dans le vrai monde. Et même le fait qu'elle remette l'appel au petit galon, c'est plutôt joli. Ah oui, c'est une jolie scène, c'est vrai. Ouais. Elle revoit Scott aussi à la fin, chose qui n'est pas dans le roman, pour le coup. Oui. Elle le revoit à la mare. Ouais. Alors, la scène est jolie. Au début, j'ai craint, parce que je me suis dit « Ah !» Est-ce qu'ils vont pas faire un petit peu du larmoyant facile, mais finalement dans la scène est plutôt jolie. Non, elle est assez sobre. Je pense effectivement que le réalisateur, de toute façon, gère bien le côté dramatique et gère bien la direction d'acteur. Hein. Pour le coup, je comprends pas les reproches sur cet aspect-là, parce que c'est très bien joué pour moi. On est d'accord. Les scènes notamment où Julianne Moore craque et se met à crier toute seule dans les champs ou toute seule dans sa voiture, etc. Je trouve que elles ont une vraie puissance. Oui, clairement, on est d'accord. Donc, ouais, c'est loin d'être une mauvaise adaptation, mais elle est dure à apprécier quand même. À cause de ce problème de rythme. Ouais. Et typiquement, c'est à cause de ça, je sais que j'aurais probablement jamais envie de la revoir, en fait, cette série. Ah oui, moi non plus. Parce que c'est trop long. C'est vraiment dommage. T'as des choses à ajouter, toi, sur la série ? Non, personnellement, je pense qu'on a fait le tour. Bah alors, passons à une scène. Répétant après moi ces mots que j'ai tressés. Et qui pour tes grands yeux tout aussitôt mourut. Il n'y a pas d'amour heureux. Très bien, nous avons choisi une scène issue du. On est dans le premier tiers du roman, on va pas dire le début, mais on est encore dans le premier tiers. Lissy commence à avoir beaucoup de souvenirs de Scott et de son passé. Et là, notamment, comme elle a vu sa sœur se scarifier les mains, elle va avoir un souvenir du jour du nard de sang, donc de la fois où elle s'est disputée avec Scott après qu'il ait vendu son premier livre. Il était 13 sous. Elle a passé 10-15 minutes à lui crier dessus, à lui reprocher plein de trucs dont elle admet elle-même qu'une partie n'est pas justifiée. Et Scott, en réponse, s'est juste éloigné, a dit « Attends-moi là, j'ai quelque chose à faire ». Il s'est éloigné dans le noir, du jardin dans le noir, et Lissy attend qu'il revienne, mais elle ne le voit pas réapparaître jusqu'à ce moment-là. Nous sommes dans la version livre de poche, c'est le chapitre 4, Lissy et le nard de sang, toute la crapoisse, à la page 176. Je rappelle que la traduction est de Nadine Gassi, ou Gassier, je n'ai pas trouvé comment ça se prononçait. Les cerfs sont là en contrebas, les cerfs de Parks. Il n'y a aucune raison que cela lui fasse accélérer le cœur, mais c'est pourtant le cas. Et juste au moment où elle sent ce rythme accélérer, elle aperçoit un mouvement au-delà du point où ses yeux perdent leur capacité à distinguer grand-chose. Une seconde et la chose mouvante se compose en une silhouette d'homme. Elle ressent du soulagement, mais ça ne dissipe pas sa crainte. Elle n'arrête pas de penser au bruit de verre brisé. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans sa façon de marcher. Plus de démarche souple, ni de trajectoire rectiligne. Maintenant, elle l'appelle, mais ce qui sort n'est guère plus qu'un chuchotement. Scott ? En même temps, sa main tâtonne sur le mur, cherchant fébrilement l'interrupteur de la lumière du perron. Elle n'a pas appelé fort, mais la silhouette d'ombre qui remonte la pelouse d'un pas lent et lourd. Oui, c'est ça, un pas lent et lourd de bête de trait, pas une démarche d'homme. Lève sa tête à l'instant précis où les doigts curieusement gourds de Lissy trouvent l'interrupteur et l'actionnent. « C'est un art, Lissy !» crie-t-il alors que la lumière jaillit. Et l'aurait-il mieux synchronisé s'il l'avait mis en scène ? Elle ne pense pas. Dans sa voix, elle entend un soulagement jubilant et fou, comme s'il avait tout arrangé. « Et pas n'importe quel nard, c'est un nard de sang !» Elle n'a jamais entendu ce mot auparavant, mais elle ne le confond avec aucun autre. Ni dard, ni marre, ni rien d'autre. C'est nard. Encore un mot à Scott. Et pas n'importe quel nard, mais un nard de sang. La lumière de la cuisine dévale la pelouse à sa rencontre et lui tend sa main gauche comme un cadeau. Elle est sûre qu'il l'entend comme un cadeau. De même qu'elle est quasiment sûre qu'il y a encore une main quelque part là-dessous. Oh, par pitié, Jésus-Marie et Jojo le brave charpentier, faites qu'il y ait encore une main quelque part là-dessous, sinon il va devoir terminer le livre sur lequel il travaille en ce moment, plus tous ceux qui pourraient suivre, en tapant d'une seule main. Car à la place de sa main gauche, il n'y a plus maintenant qu'une masse rouge et sanguinolente. Du sang dégouline entre les branches d'étoiles de mer écartées dont elle suppose que ce sont ses doigts, et alors même qu'elle s'élance à sa rencontre, ses pieds bafouillant en négociant les marches du perron de derrière, elle compte déjà ses formes rouges écartées, 1, 2, 3, 4, et oh merci mon Dieu, cette cinquième-là est le pouce. Tout y est encore, mais son jean est maculé de sang et il continue de lui tendre sa main déchiquetée et sanglante, celle qu'il a passée à travers un panneau de verre épais de la serre, après s'être faufilé à travers la haie en contrebas de la pelouse pour l'atteindre. Maintenant, il lui tend son cadeau, son offrande expiatoire pour avoir été en retard, son art de sang. « C'est pour toi !» dit-il alors qu'elle arrache son chemisier pour en envelopper la masse rouge et dégoulinante, qu'elle sent imbiber aussitôt l'étoffe. Elle sent sa folle chaleur et sait, bien sûr, pourquoi cette petite voix éprouvait un tel effroi des choses qu'elle lui jetait au visage, ce que cette petite voix savait tout du long. Non seulement que cet homme est amoureux d'elle, mais qu'il est aussi à demi amoureux de la mort et plus que prêt à acquiescer à la moindre remarque mesquine et blessante que quiconque ferait sur lui. Quiconque ? Non, pas tout à fait. Il n'est pas tout à fait aussi vulnérable. Il l'acceptera seulement de toute personne qu'il aime. Et Lissy s'aperçoit soudain qu'elle n'est pas la seule à n'avoir quasiment rien raconté de son passé. C'est pour toi, pour te dire que je regrette d'avoir oublié et que ça ne se reproduira plus. C'est un art, ça, Scotch, chut. C'est bon, je suis pas... Ça s'appelle un art de sang, c'est spécial. Papa nous disait, à Paul et moi, je suis pas fâché contre toi, j'ai jamais été fâché contre toi. Il s'arrête au bas des marches en bois craquelé et la regarde bouche bée. À sa mine, on lui donnerait 10 ans. Le chemisier hâtivement noué autour de sa main ressemble à un gantelet de chevalier. Sur son fond jaune, des fleurs de sang sont maintenant écloses. Elle est là, debout sur la pelouse, dans son soutien-gorge de jeune fille, sentant l'herbe chatouiller ses chevilles nues. La lumière jaune crépusculaire qui pleut sur eux, venant de la cuisine, creuse un profond sillon d'ombre entre ses seins. « Tu veux bien l'accepter ?» Il la considère avec une telle supplication enfantine. L'homme en lui a pour le moment entièrement disparu. Elle lit la souffrance dans son regard désirant et sait qu'elle ne provient pas de sa main déchiquetée, mais elle ne sait que dire. Ceci la dépasse complètement. Elle a bien réagi en trouvant aussitôt une compresse de fortune à mettre sur l'horrible gâchis qu'il a fait au bout de son bras, mais à présent elle est figée sur place. Y a-t-il quelque chose de bien fondé à dire ? Plus important, y a-t-il quelque chose de mal fondé ? Quelque chose qui le fera repartir immédiatement ? Il lui vient en aide. Si tu acceptes un art, surtout un art de sang, alors c'est pardonné. C'est papa qui l'a dit. Papa, il nous le disait tout le temps, à moi et Paul. Moi et Paul, pas Paul et moi. Il a régressé à la diction de son enfance. Oh là là là là. Oh là là, Lisette. Lissy dit. Je suppose que je l'accepte, parce que j'avais aucune envie d'aller voir un film suédois imbuvable en version sous-titrée pour commencer. J'ai mal aux pieds. J'avais juste envie d'aller au lit avec toi. Et maintenant, regarde, il faut qu'on aille au touffus urgence à la place. Il secoue la tête, lentement mais fermement. « Scott, si t'étais pas fâché, pourquoi t'as crié et tu m'as balancé à la figure toute la crapoisse ?»« Toute la crapoisse, sans doute une autre carte postale de son enfance. » Elle en prend note, la met de côté pour examen ultérieur. « Parce que je pouvais plus crier après ma sœur, » dit-elle. La drôlerie de la chose la frappe et elle commence à rire. Un rire dur et le son de ce rire la choque tellement qu'elle commence à pleurer. Puis elle a le vertige. Elle s'assoit sur les marges du perron, pensant qu'elle risque de s'évanouir. Scott s'assoit près d'elle. Il a 24 ans, les cheveux presque aux épaules, le visage mangé par une barbe de 2 jours, et il est aussi maigre qu'un clou. À la main gauche, il porte son chemisier, dont une manche déroulée pend. Il pose un baiser dans le creux palpitant de sa tempe, puis la regarde avec une tendre et absolue compréhension. Quand il parle, on le dirait quasiment redevenu lui-même. « Je comprends, dit-il. Les familles font chier. »« Ouais, c'est bien vrai, chuchote-t-elle. » Il l'enlace de son bras. Le gauche, celui qui est déjà pour elle le bras du nard de sang, son cadeau pour elle, son touffu cadeau fou de ce vendredi soir. « Elles ont plus besoin de compter, dit-il. » Sa voix est d'une étrange sérénité, comme s'il ne venait pas de transformer sa main gauche en un morceau de viande crue et saignante. « Écoute, Lissy, les êtres ont le pouvoir de tout oublier. » Elle le considère avec un air de doute. « Crois-tu ? » ?»« Oui, ce temps est le nôtre maintenant, toi et moi. C'est ça qui compte. »« Toi et moi. » Mais désire-t-elle cela ? Maintenant qu'elle voit combien son équilibre est fragile ? Maintenant qu'elle a une image de ce qui risque d'être la vie avec lui ? Alors elle repense au contact de ses lèvres dans le creux de sa tempe, effleurant ce point secret particulier, et elle se dit « Peut-être bien que je le veux. N'y a-t-il pas un œil au centre de tous les cyclones ?»« Tu crois ?» demande-t-elle. Durant quelques secondes, il ne dit rien, se contente de la tenir. Du centre-bourg dérisoire de Cleves leur parvient grondement de moteur, glapissement et hurlement de rire en cascade. C'est vendredi soir et les garçons perdus sont de sortie. Mais tout ça n'est pas ici. Ici, tout n'est que parfum de sa longue pelouse assoupie descendant en pente douce vers l'été, aboiement de Pluto sous le lampadaire d'à côté et sensation du bras de Scott autour d'elle. Même la pression chaude et humide de sa main blessée est réconfortante. Elle marque la peau nue de sa taille comme un fer rouge. « Baby, » dit-il enfin. Silence, puis « Baby love ». Pour Lissy Déboucheur, 22 ans, lasse de sa famille et tout aussi lasse d'être seule, c'est suffisant. C'est enfin suffisant. Il a hurlé très fort pour la rappeler à la raison et dans l'obscurité, elle s'abandonne à ce Scott en lui. Dorénavant et jusqu'à la fin, elle ne regardera plus jamais en arrière. Et maintenant, la même scène dans la série. C'est très spécial. C'est pour faire sortir le mal, mais aussi pour dire pardon. Tu veux bien l'accepter ? Parce que si tu acceptes un art, surtout un art de sang, alors c'est pardonné. S'il te plaît, accepte-le. J'accepte, d'accord, c'est juste que je comprends pas de quoi tu parles. J'aurais rien pu avaler. De toute manière, Dorla m'a coupé l'appétit. Je sais. La famille, c'est chiant. Ouais, t'as raison. Je peux être chiante aussi. T'as qu'à demander à ma famille. Je te trouve pas chiante, moi. Tu le seras jamais. Tu es mon cœur, chaton. Et écoute, ce temps nous appartient. À toi et moi. D'accord. Écoute, tu vas devoir te faire recoudre. Alors avant de partir aux urgences, et si t'as peur de ce que les médecins vont penser, tu n'as qu'à tout simplement inventer une histoire. Après tout, t'es écrivain, t'as énormément d'imagination. Non, parce que je saigne déjà presque plus. Très bien, bah je te laisse commencer sur la comparaison que tu voudrais faire. Bah c'est une scène qu'on a évoquée rapidement, précédemment dans le podcast, mais on n'est pas revenu à fond dessus. Et notamment sur le fait que l'adaptation est pas vraiment réussie. Je pense qu'on est tous les deux d'accord sur ce point. Oui. C'est pour ça qu'on l'a choisi pour la comparatif. Et ça met bien en place pourquoi c'est globalement une mauvaise idée de ne pas suivre uniquement Lissy. C'est-à-dire que dans l'adaptation, comme vous pouvez le voir, Lissy est dans l'attente, elle ne sait pas ce qui se passe. Scott s'est éloigné de manière abrupte. Du coup, elle se questionne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est parti faire, et elle le revoit revenir, la main explosée, totalement perdue, et en fait aussi perdue que le lecteur. Sauf que l'adaptation, Scott s'éloigne et on suit Scott. On laisse Lycée derrière nous. On suit Scott, on le voit exploser la vitrine d'un lavomatique, parce que là, c'est là que ça se passe, et volontairement se déchiqueter la main dans les débris de la vitrine. Au final, c'est Lycée qui est perdu, et non pas nous, spectateurs, parce que nous avons vécu la scène avant, et je trouve que ça crée une sacrée dissonance entre nous, notre ressenti, et celui du personnage principal qu'on est censé suivre tout le temps, vu que, comme tu l'as dit plus tôt, ça s'appelle Histoire de Lycée, c'est pas pour rien. Oui. Surtout que cette scène-là, vraiment, Scott doit avoir l'air, en revenant, à moitié fou au final. Oui, totalement. D'où le fait qu'elle soit perdue et apeurée. Oui, voilà. C'est un des moments où Scott peut avoir l'air inquiétant, ce qui arrive plusieurs fois dans le roman, ce qui arrive un peu à certains moments de la série tout de même. Oui. Notamment quand il, dans le premier épisode, quand il embrasse Amanda pour lui filer l'eau en posant oh là, dans quelle direction ça part. Oui. Mais il y a quand même moins ça. Même si Clive Owen le joue bien. Mais oui, effectivement, suivre Scott n'était pas une bonne idée ici. Je pense qu'il aurait fallu rester concentré sur l'héroïne. Et le fait que, bah, visuellement, ça ne rentre pas très bien, en fait. Le fait qu'il, qu'il s'abîme la main volontairement dans la vision, je trouve que l'effet rend moyennement bien. Je ne sais pas si tu t'en souviens de ton visionnage. Oui, oui, c'était pas suffisamment marquant, je pense. Et puis, du coup, King... le disait, il était rebuté par le format télé avant parce qu'ils étaient obligés d'amoindrir la violence. Et là, pour le coup, elle est amoindrie. Bah oui, c'est vrai que c'est pas si sanglant que ça au final. Hein. Enfin, on sent bien qu'il s'est bien ouvert. Mais... Oui, mais c'est des égratignures plutôt classiques. Oui. C'est pas une bouillie, c'est pas une main. Oui, qui donne l'impression que vraiment il a limite broyé dans sa main les bouts de verre. Voilà. Dans le roman, c'est limite, il va falloir lui amputer la main, quoi. Ouais. Alors que là, tu te dis, bon, bah, quelques points de suture, et c'est bon, ouais. Ça roule. Donc ça rend peut-être un peu moins marquant après le fait que ça soit remis dès le lendemain, alors que dans le roman, c'est clairement pas possible, oui. Naturellement. Ou alors, vraiment, elle a déliré la gravité des blessures. Dans le roman, c'est impossible, effectivement. Globalement, c'est un truc, d'ailleurs, qu'on n'a pas évoqué, hein, que la violence est clairement amoindrie dans l'adaptation. Alors que c'était l'une des crames de King, c'est ça qui est... Un peu moins avec l'attaque de Dooley, oui. Qui est quand même bien violente aussi dans l'adaptation, pour le coup. Disons qu'il ne s'attaque pas au même endroit. Oui. Puisque Dooley s'attaque réellement au sein, forcément en parallèle avec le côté sein maternel, oui. Symbole de féminité. C'est vraiment à son sein qu'il s'attaque directement dans le roman, alors qu'il s'attaque plutôt au haut du torse. Enfin, au thorax. Dans l'adaptation, ouais. Dans l'adaptation. Voilà. Et dans l'adaptation, c'est Dooley est limite présenté comme un incel. Hein. Il y a un gros côté incel, ouais. À beaucoup de moments. Complètement. En mode, les femmes, on n'a pas besoin d'elles. Ce qui, pour le coup, n'est pas inintéressant. Oui, c'est pas inintéressant, mais c'est pas traité de la meilleure des manières, je trouve. Oui. Vu que le personnage est présenté comme un psychopathe, voilà. Bah, c'est vrai que ça donne l'impression que l'incel serait que un truc de la folie, ce qui n'est pas le cas. Ça... Voilà, malheureusement. Toujours un peu du mal avec le fait de particulariser, d'associer à la folie des comportements de criminels, notamment autour des questions de la relation aux femmes. C'est vrai que ça donne l'impression que c'est des cas exceptionnels, alors que non. Alors que non, pas du tout. Ouais. Mais ça, c'est pas la première fois que King tombe dans ce piège-là, parce que c'est aussi ce que je reproche à Rose Madder, qui est pas un mauvais roman, hein, pourtant. Hein, ouais. Contrairement à Dolores Claiborne et Jessie, le méchant mari violent est trop montré comme étant psychopathe, et donc ça le... Il est moins... Le message est moins puissant au final. Oui, parce que ça sous-entend moins que... C'est comme parler d'un criminel en le qualifiant de monstre. Tu vois, non, c'est pas des monstres, c'est des humains. Oui, c'est ça. C'est justement ça. Il faut arrêter de qualifier les criminels, et les criminels lourds, les violeurs, les pédophiles, de monstres. Ce sont... des humains. Il ne faut pas créer de distinction entre eux et nous, en fait. Oui, parce que ça, c'est se mettre la tête, c'est se dissimuler la vérité, en fait. Voilà. Non, ce sont des humains, et donc ils ressemblent à n'importe qui. Et voilà. C'est un peu ça, du coup, que tu pourrais reprocher à Rose Madder, comparé à Jessie ou à Dolores Claiborne. Et donc, c'est le souci de Jim Dooley, effectivement, aussi dans l'adaptation. Truc qu'on n'a pas signalé par rapport à l'écriture, les flashbacks sont au présent, alors que le récit principal est toujours au temps du passé. Oui. Ce qui montre bien aussi que Lycie a du mal à faire son deuil et qu'elle vit presque plus dans le passé que dans le présent, et justement à la fin il n'y a plus de flashback, donc ça peut donner l'idée qu'elle va pouvoir revivre sa vie. Tout à fait. Ça aussi c'est plutôt intéressant à l'écriture. Et là déjà on a un peu tout, enfin une partie des trucs sur le langage, puisqu'on a les nards qui arrivent, le langage plus enfantin de Scott qui revient. Donc on voit bien l'aspect, l'importance de cet aspect-là dans le roman, qui est comme ça présent, mais pas par touche dans l'ensemble, parce que c'est rare qu'il y ait vraiment un moment où ça se penche pendant des pages sur la question du langage. C'est plus que ça traverse l'intégralité du livre. Mais voilà, c'est ça. Mais ouais, un peu dommage que l'adaptation soit pas plus réussie pour cette scène, parce que c'était pas très dur de faire mieux, je pense, pour le coup. Non, clairement pas. Et puis en plus, c'est une scène vraiment importante, pour le coup. Bah oui, oui. Des flashbacks, je pense que c'est limite le moins réussi, parce qu'il y en a d'autres qui sont pas mal, par contre. Oui, puis je pense qu'on a fait le tour. Ouais, bon, on va pouvoir passer au classement. Spoiler alerte, en fait c'est déjà classé parce qu'on a eu un problème. Ouais, on avait oublié de vider une carte mémoire, donc on doit réenregistrer le classement, mais voilà. Faites fonctionner votre imagination en vous disant que c'est la première fois et que c'est pas truqué. Voilà. Le classement qui compte donc 51 écrits. Non, 52. 52. Bah, parmi toi, au final. Hein oui, non, oui, non, 51, pardon. 51 oui. Oui. Enfin, à vrai, il y en aura 52. Oui. Tu en as 52, parce que ben, tu es allé dans le futur. Ouais. C'est ça. C'est comme le film, tu sais, Beyond the Infinite, 2 minutes. Voilà. Moi, je suis 2 minutes après. Les 5 premiers étant sac de ce cimetière. Ça, Charlie, 22, 11, 63. Alors que les 5 derniers sont Le Radeau, L'Année du Loup-Garou, Dr. Sleep, Le Cinquième Quart, Grand Chauffeur. Histoire de lycée, du coup, on va pas tourner autour du pot. On avait dit qu'on le mettait dernier. Voilà, au revoir. Voilà, c'est ça. Non. Non, on avait dit que ça allait beaucoup plus haut que dans tous les autres classements qu'on a évoqués dernièrement, au début du podcast. Chez nous, il va entre Charlie et 22-11-63, c'est-à-dire à la cinquième place. Voilà, l'hésitation était sur la place exacte dans cette zone-là, mais ça n'a pas duré longtemps, la vie voilà. Classée. Pour moi, c'était soit entre soit au-dessus, soit en dessous de 22-11-63. Pour moi, c'était soit au-dessus, soit en dessous de Charlie. Donc voilà. Finalement, on avait une idée en commun, donc ça collait bien. Voilà. Et donc on disait que c'était un excellent roman et qu'on ne peut que vous le conseiller. Et pour les films, aux 5 premières places, il y a Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, sur 73 au total, il y a Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher. Cette grosse merde de complotistes, rappelons-le. Voilà, c'est ça. Ça, qu'il y ait une erreur de montage ou pas, ça sera toujours dit. Oui, il faut toujours le rappeler, ça. Et donc, notre réflexion autour d'Histoire de lycée était l'hésitation qu'on avait sur comment est-ce qu'on classe le fait qu'il y a un gros écart entre le style visuel de la série qui est très réussi et ouais. Certaines bonnes idées et l'ennui qu'on a éprouvé devant. Et donc on s'est d'abord demandé quelle serait notre limite, quel serait le truc le plus bas où on accepterait de le revoir avec un relatif plaisir. Voilà, ça, et le choix s'est porté sur celle. C'est ça, celle a été notre première limite, donc on s'est dit, si on ne juge que le plaisir de le voir, on le mettrait juste en dessous de celle de Todd Williams, donc ce serait la 35e... Donc au-dessus de Désolation. Ouais, c'est ça, au-dessus de Désolation de Mick Garris. Donc dans tous les cas, au-dessus de Désolation, ça on est parti là-dessus. Voilà. Ensuite, on s'est dit quand même, on va le remonter un peu pour l'aspect visuel, on va le prendre en compte. Ouais, on réfléchit ici. Hein, c'est ça. Comme on l'a dit, si on avait pris en compte que l'aspect visuel, ça aurait été du top 10, parce que c'est vraiment magnifique. Ah, parce qu'il y a zéro reproche sur le casting ou le visuel, quoi. Toi, tu proposais, dans mon souvenir, en dessous de Mangler. Oui. Du premier Mangler, du coup. Donc, ça aurait pris la 26e place, donc le Mangler de Tob Hooper. Il se trouve que, aimant vraiment bien Carrie Delahaye, j'ai demandé à ce qu'il soit en dessous de Carrie Delahaye, donc plutôt à la 27e place qu'à la 26e. Voilà. Et on était tombé d'accord là-dessus. Donc, Histoire de Lissi prend la 27e place entre Carrie Delahaye de Catchy et La peau sur les os de Tom Holland, en sachant qu'il y a des trucs qu'on trouve plus divertissants qui arrivent plus bas, et oui, qu'il y a des trucs moins jolis qui arrivent plus haut, mais que donc l'équilibre de toutes les forces se situe à peu près là. Voilà, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Voilà. Le choix est fait. C'est ça. Mais donc, on conseille beaucoup plus en roman qu'en série. Comme on l'a dit, c'est un roman dans lequel vous aurez peut-être un peu de mal à rentrer, qui est un des plus difficiles d'accès de King, probablement. Après, c'est pas non plus... C'est pas Proust, hein. Vous aurez pas autant de mal à rentrer que dans La recherche du temps perdu. Voilà. Mais c'est le King qui se lit le moins facilement, peut-être. C'est Mais ça. Il en vaut la peine. Clairement. Une fois rentré dedans, c'est... je ne vois pas comment on peut en sortir. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on se dit, nous, à dans 2 semaines, pour parler d'un épisode de la série Rêves et cauchemars, adapté d'une nouvelle du recueil éponyme, à savoir Crutch End. Voilà. Vous pouvez en attendant nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi sur Twitter et Blue Sky. @Chris-9 Lost Tales sur Twitter. Pour moi, -6 sur Blue Sky, pour moi. Ouais. C'est difficile. C'est ça. C'est -8, je crois, sur Twitter. Ah, c'est voilà. 9, c'est un CCD. Ah, CCD. CC. Ouais, ça ferait Chris, Slot Slail, ça ferait bizarre. Ça ferait que Cthulhu. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord. Yes. Donc le lien sera dans la description. Ouais, tous les liens sont dans la description. Et en attendant... N'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.